couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 33. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur notre forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante, eelb.su, le nom de domaine a été évidemment banni en France, mais ce n'est pas grave, car grâce à votre VPN ou à votre adoption de Brave plus Tor, comme c'est expliqué sur le site et comme on est plusieurs fois revenu sur ce point, vous pouvez vous y connecter quand même. Le nouveau nom de domaine, bien évidemment, dempart.club, dempart.club, comme un club, hein, tout simplement, un club de foot, club de ce que vous voulez. Voilà, c'est le nom de domaine temporaire, puisque, comme vous le savez, les Juifs s'acharnent absolument contre nous, contre le site, contre tout, en fait. Hein, voilà. Il n'est pas possible de parler, hein, voilà. Donc la durée de vie, l'espérance de vie des noms de domaine est faible, mais c'est la loi du genre, donc il faut s'y faire. Présentation des membres de la semaine, tout de suite et sans aucune transition. Je commence avec notre ami Nogaret. Salut Nogaret, j'espère que tu vas pour le mieux. Eh bien, salut à toi Gandalf, salut aux auditeurs, et tout va bien, excepté une petite chose, c'est que apparemment cette semaine, il y avait la fête de Yom Kippour, aussi appelée le Grand Pardon, mais les Juifs n'ont toujours pas demandé pardon pour tout le mal qu'ils ont fait. Ah, c'est vrai, mais en même temps, ça m'a pas traversé l'esprit parce que j'avais pas l'intention de leur pardonner, en fait. Donc, comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Suivant, avec Jean Bureau qui nous fait le plaisir de participer cette semaine. Salut Jean, j'espère que ça va bien. Salut à tous, ça va super bien. Je vois aussi que ça va très bien pour les Juifs et les bonnes femmes qui sont totalement déchaînées en ce moment. Oui, je crois qu'il y a plus de limites là. C'est. Le temps de l'avènement du Messie arrive, hein, le Mashiach approche, ce qui peut expliquer cela, à mon sens. Et aussi cette semaine, avec nous, Hydromel. Comment vas-tu, Hydromel? La forme? Ben, ça va très bien, j'espère. Merci Gandalf, bonjour à tous les participants, et ainsi qu'aux auditeurs. J'ai passé une bonne semaine, j'espère que vous aussi, et j'espère qu'on va passer une bonne émission. Sans aucun doute. Enfin, est avec nous cette semaine, comme toutes les semaines maintenant, notre ami Vincent, qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous. Vincent, d'abord, comment vas-tu? Est-ce que tu as la forme? Et ensuite, on va parler un petit peu éventuellement de ton actualité, si tu as des news. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gandalf, bonjour à tous les participants. Oui, je vais bien, enfin, autant que faire se peut, hein, ça va. Et j'espère en effet que nous allons passer une bonne émission. Alors, pour mon actualité, je ne sais pas si c'est maintenant ou plus tard. Vas-y. Alors, j'ai eu le grand plaisir recevoir le fichier PDF du nouveau livre sur Oradour, qui est donc totalement terminé. Donc, il va être certainement en vente d'ici un mois ou moins. Tout dépendra de l'ouverture de la boutique, mais le contrat est signé avec le prestataire de paiement. Donc, tout devrait être bon. Et voilà, donc le nouveau livre arrive 25 ans, juste après le premier. Et j'en suis très content parce qu'il est beaucoup plus incisif que le premier. Donc ça, c'était la première chose. Puis voilà, donc la boutique devrait rouvrir. Et je sais que les adversaires s'acharnent, mais on verra. Du coup, quand ta boutique sera ouverte et que ton livre sera enfin accessible, ce sera peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail. À cette occasion-là, tout simplement. Oui, au bas. De toute façon, je pense que les gens intéressés l'achèteront. Donc on va pas. Je sais très bien qu'il ne faut pas non plus multiplier les interventions révisionnistes durant l'émission. Mais bon, on pourra en parler un petit peu. Surtout qu'en fait, il y a une première partie qui va être très intéressante, c'est que je raconte tous mes ennuis judiciaires qui m'ont fait. Je commence par cela, parce que quand on vous attaque par la bande avec la justice, c'est vraiment un aveu d'impuissance. Et je raconte tout ça. J'essaie de mettre ça de façon assez drôle, d'ailleurs. Donc ce sera même assez drôle. Assez drôle. D'accord. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par l'actualité de Vincent, ses vidéos, évidemment, ses livres ou textes, vous trouverez tout ça sur son site internet blog-sc.com, donc blog blogue-sc.com, tout s'y trouve. Si vous souhaitez soutenir Vincent également, il y a une page spécifique, spéciale, pour devenir mécène, allez-y. J'en profite pour remercier quelqu'un de DP, Roger. Donc il m'a demandé juste de dire merci Roger, donc merci Roger. Bah au moins c'est simple. Cette semaine nous n'avons pas de donateur, n'avons pas reçu de message de donateur spécifique. Si vous souhaitez, après avoir fait un don, que nous vous remercions à l'antenne, comme il est de règle élémentaire de le faire, n'hésitez pas. Si vous souhaitez rester anonyme, on le comprend aussi très bien. Pour nous soutenir, et sans ces soutiens, nous ne pouvons tout simplement pas continuer uniquement les dons uniquement en Monero, donc crypto-monnaie. Il y a un petit guide explicatif qui est présent sur le site, à droite normalement. Donc elle garantit l'anonymat des transactions, ce qui permet à nos donateurs de rester totalement anonymes vis-à-vis des autorités ou de tous ceux qui pourraient être tentés de vouloir savoir qui soutient financièrement DP, donc ça c'est un vrai avantage. Si vous connaissez des personnes qui souhaitent soutenir des initiatives comme la nôtre, n'hésitez pas aussi à leur permettre de le faire si vous maîtrisez l'outil des crypto-monnaies en général et de Monero en particulier, parce que c'est vrai que ça peut être un frein. On n'a pas le loisir d'avoir accès aux plateformes traditionnelles, mais c'est vrai que sans donateurs, eh bien, on ne peut pas continuer notre travail. Alors messieurs, je vous propose d'entamer cette émission sans aucune transition. Rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Alors en fait, c'est intéressant parce que finalement les auditeurs échangent les uns avec les autres d'émission en émission, ce qui crée un petit peu des fils de discussion. Et un peu par hasard, il y a un fil de discussion qui s'est amorcé autour du métal, du rock et du black metal, alors j'avoue hein, que je n'ai pas d'opinion sur le sujet véritablement tranché, je ne suis pas un expert, je ne suis même pas mélomane, mais enfin, ça n'est pas totalement dépourvu d'intérêt. Donc salutations à l'état-major participatif, j'aimerais revenir brièvement sur les courriers des lecteurs des deux dernières émissions concernant le black metal. Donc les courriers précédents étaient enthousiastes par rapport au black metal, pourquoi pas, hein, je veux dire. Je m'efforcerai d'être bref, ayant bien compris que le sujet est très accessoire, nous dit notre auditeur. Alors, c'est un sujet que je connais particulièrement bien, ayant officié longtemps dans un groupe d'assez bon niveau. La nécessité de l'anonymat me défend de rentrer dans les détails. Le black metal a constitué, pour ainsi dire, toute ma vie, pendant une quinzaine d'années. Mais contrairement à l'auteur du courrier, dont je n'ai pas saisi le nom, je ne saurais trop déconseiller aux auditeurs de s'intéresser à ce style. Pour parler crûment, c'est de la musique de dégénérés, jouée par des dégénérés pour des dégénérés. Bon, en tout cas, c'est le point de notre auditeur. Les aléas de la vie m'ont forcé à reconsidérer les choses d'un point de vue radicalement différent et je n'ai aujourd'hui plus aucun lien avec ce milieu médiocre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il a rompu. Le satanisme est un élément central de ce style. Aussi y nageons-nous en plein sémitisme, nous dit notre auditeur. Même les groupes les plus ouvertement antisémites, exemple Grand Belialski, retombent inexorablement dans la juiverie par leur vénération du diable. Nous pouvons aussi revenir sur le cas Peste Noire, dont les liens avec les néo-nazis d'opérettes ukrainiens sont connus. C'est bien beau de chanter la suprématie arienne si c'est pour s'acoquiner avec les laquais de l'OTAN. Homo talmudiste. Anecdote, la personne qui m'avait prêté la cassette Aryan Supremacy de ce groupe était un Marocain fan de Taubira authentique. Pourquoi écouter du black metal quand on peut écouter Wagner ou encore des marches militaires allemandes ou japonaises, merci TP. Ça c'est original cette fois-là, oui. Ou l'hymne russe. Je pourrais tartiner sur le sujet pendant des heures, mais à quoi bon ? Salut à la victoire, et c'est signé Le Repenti. Bon, alors évidemment, là, c'est des discussions entre amateurs de musique, fans de style ou au contraire de personnes qui critiquent tel ou tel style. Alors, on ne mettra à l'évidence jamais d'accord des personnes qui ont des avis très tranchés sur des styles musicaux. Enfin, c'est un courrier qui nous a été adressé. Il était normal de le lire, peut-être pour alimenter, entre guillemets, la discussion. Personnellement, je n'ai pas d'avis sur ces styles ou pas. C'est vrai qu'il est prêté au style black metal des, entre guillemets, sympathies pour le national-socialisme, ou du moins ce qu'il en est compris par ces groupes. Et très souvent, en fait, ce qu'il en est compris sont des caricatures de ce qu'était réellement historiquement le national-socialisme, très éloigné de l'objet d'origine. Donc, bon, voilà. Après, bon, ben, le style, bon, ben, alors ça... bon, voilà, on ne mettra jamais les gens d'accord sur un style plus qu'un autre, c'est évident. Donc, voilà, moi, je n'ai rien à dire de plus, n'écoutant pas ce genre de musique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, si, ou pas particulièrement. Moi, j'ai peut-être un petit truc à dire par rapport au black metal. J'en parle d'autant plus à l'aise que depuis mon adolescence, j'écoute du hard rock. Bon, naturellement, moi, c'est le hard de ma jeunesse, donc c'est celui des années 70-80, hein, c'est ACDC, Def Leppard, Crocus, Gorge Cool, enfin tous ces groupes qui aujourd'hui, c'est la musique tendre aujourd'hui, je pense, par rapport à ce qui se fait. Mais il est évident qu'ayant écouté du hard, et j'en écoute toujours, hein, je veux dire, j'écoute toujours ces groupes-là, j'ai été vers le black metal. Et je suis assez heureux de cette lettre parce que la dernière fois, je n'avais pas osé intervenir lors du dernier courrier, ne voulant pas toujours passer pour le pisse-vinaigre. Donc j'ai rien dit, mais il est vrai que quand je me suis intéressé, que j'ai tenté d'écouter du black metal, ça m'a paru quand même assez malsain. Et encore une fois, j'écoute du hard, donc je suis pas du tout un mélomane, en ce sens que je n'aime pas la musique classique du tout. Moi, j'écouterai jamais Wagner ni rien du tout. Non, j'aime pas du tout cette musique. Mais quand même, le black metal m'est apparu comme comme quelque chose d'assez malsain. Alors je sais qu'on va me dire oui, mais son, je veux dire sa sympathie. Je parle pas pour le national-socialisme, mais je parle pour le satanisme. Pardon. On dira que la plupart du temps c'est folklorique, il y a rien derrière. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi pas utiliser le folklore pour aller vers le beau et non pas vers des choses sombres qui quand même n'élèvent pas à mon avis. Alors, il y a une dernière chose que je voulais dire pour ça, c'est justement c'est par rapport au satanisme de ces groupes. Je sais très bien que dans nos milieux, qui sont généralement anti-chrétiens et qui sont très anti-juifs, eh bien, on dit, comme Satan a été nommé comme le mal dans la Bible juive, eh bien, c'est que c'est forcément quelque chose de bien. Et comme Satan, c'est les chrétiens combattent. Ben c'est forcément quelque chose de bien. Et j'ai souvent entendu ce raisonnement-là. De dire, mais oui, mais finalement, Satan, c'était l'ange de lumière, et donc, nous, on vénère l'ange de lumière. Bon, souvent, il n'y a pas de grande vénération derrière, mais enfin, il y a quand même une attirance vers cela, au motif que, justement, en faisant ça, on ferait acte d'anti-christianisme et donc, derrière tout ça, d'anti-judaïsme. Alors là, je dis aux gens qui auraient des tendances justement à aller vers le satanisme, c'est une énorme erreur. Hein. Vous vous faites avoir parce que en croyant vénérer une entité qui serait donc que les juifs critiqueraient, mais en fait, je vais vous dire franchement, si vous lisez bien la Bible, vous apercevrez que là aussi les juifs disent faux. Il n'y a pas de diable dans la Bible. Alors, je parle dans la Bible, l'Ancien Testament, hein, je ne crois pas le Nouveau. Hein. Dans l'Ancien Testament, alors c'est peut-être un scoop pour beaucoup, mais il n'y a pas le diable en ce sens où les juifs et les chrétiens l'entendent. Hein. Pas du tout. Je veux dire, le diable apparaît au livre de Job, j'irai vite, hein, j'en ai pour 2 minutes, il apparaît au livre de Job et il s'entretient très amicalement avec Dieu. Hein. Je veux dire, il s'entretient très amicalement parce qu'il participe aux, ce qu'on appelle aux assemblées avec Dieu. Il est avec les Elohim, ce qu'ils appellent fils de Dieu. Et en fait, lui, c'est quoi son rôle? C'est justement d'être un adversaire. Et Dieu lui dit, tiens, t'étais où? Et il lui dit, bah, j'étais sur terre, je rôdais, je zonais, quoi. Hein? Et il lui dit, t'as vu mon serviteur Job comme il m'aime bien? Et c'est là que l'adversaire lui répond, ouais, mais enfin, c'est parce que tu le chouchoutes. Si tu le chouchoutais pas, tu verrais qu'il ne t'aimerait plus. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, ok, je te laisse le pouvoir de lui envoyer des crasses, de ne pas attenter à sa vie, et on verra s'il m'aime toujours ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, le diable, c'est un allié, en fait, de Dieu, qui est là pour tester l'amour que les gens portent à Dieu. Et donc, il est dans le ciel, il est tout à fait avec les autres fils de Dieu. C'est pas du tout le diable tel qu'après les chrétiens se l'imaginent. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc là-dessus aussi, la Bible est complètement fausse. Alors on me dira, oui, mais non, le diable, il apparaît dans la Genèse. Il tente Adam et Ève, justement, mais pas du tout. C'est le serpent. Si vous lisez bien la Genèse, on vous dit bien, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il n'y a pas de diable dans la Genèse. Absolument pas. Et d'ailleurs, lorsque Dieu punit le serpent, il le punit en tant que serpent. Il lui dit bien, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Il ne parle à aucun moment du diable. Donc faites très très attention. J'ai traité toutes ces questions-là dans mon dernier livre qui est sorti. Je ne fais pas de pub pour mon livre. En plus, il est accessible gratuitement. Hein, c'est pas pour faire de la pub pour mon livre, mais qui s'appelle justement « Les véritables causes du déclin du catholicisme ». Je traite tout ça en détail. Il n'y a pas de diable dans la Bible. Donc ne vous laissez pas avoir par le satanisme. En effet, c'est encore vous faire avoir par une mauvaise interprétation juive. Merci de m'avoir laissé dire ça, parce que ça me paraissait un peu important. D'accord, bah au moins ça aura permis d'ajouter quelque chose à ce courrier. C'est bienvenu. Alors on verra s'il y a des réactions ou pas. Rubrique numéro 2, chers amis. Raciale, alors là c'est très simple, c'est le grand remplacement sans filtre. Et en fait, ça c'est les musulmanes d'Algérie, hein, Algérie, Maroc, Maghreb, voilà, que la République française a fait venir, qui nous disent le programme hein, sans filtre. Alors c'est très éloigné du déni de la gauche. Vous allez voir, c'est pas très Mediapart comme ambiance. Hein, c'est pas non plus Hervé Le Braz, c'est le démographe. Hein, non, ça n'a rien à voir. C'est du sans filtre. C'est égalité et réconciliation. Bah, on va en parler. On écoute et on se retrouve. Parce que nous, on est musulmans et on est français, on va rester ici. En plus, on est plus fertile, on est plus nombreux, on est plus jovial, on est plus intéressant, on est plus positif. Si vous n'êtes pas content, vous quittez le pays. Clairement, allez vivre en Pologne, je vous le dis. Parce que nous, on est chez nous ici. Donc les filles, faites comme Kenza, faites plein d'enfants, faites comme Kenza, faites comme moi, faites plein d'enfants. Le grand remplacement, ils en ont peur. Eh ben, c'est pas pour rien, voilà. On va vous grand remplacer, on a déjà commencé, ça fait 10 ans. Et là, toutes les sœurs qui sont là, regardez, machallah, elles sont toutes jeunes, elles sont toutes belles. Et dites-vous, dans toutes les 1000 personnes qui sont là, elles vont toutes avoir entre 4 et 6 enfants minimum, machallah. Allez, bonne chance. Et en plus de ça, je trouve que ça renforce grave notre foi. Et ça pousse de plus en plus de sœurs à se voiler et tout. Franchement... Ouais, vous avez vu, Soukaina? Ouais, c'est trop bien, machallah. Alors... Vous connaissez la version officielle, c'est sur Wikipédia. Hein. Donc, le grand remplacement est une théorie raciste, xénophobe d'extrême droite, également islamophobe et antisémite, qui prétend qu'il y aurait un plan pour remplacer les populations blanches d'Europe par des populations étrangères, notamment d'Afrique et d'Orient. Ce serait faux. Hein. C'est faux, c'est le fruit d'une hallucination issue de l'extrême droite. Et c'est bizarre, puisque cette hallucination, cette théorie du complot, est partagée hein, par les musulmans qui vivent en France. Alors ça m'étonne un peu. Puisqu'ils nous le disent, hein, on est plus fertile que vous, on fait plus d'enfants que vous, de toute façon, on vous remplace, et puis en plus, d'une manière générale, on est plus jovial, enfin tout. Voilà, donc tout est bien dans le meilleur des mondes. Alors du coup... Et si vous n'êtes pas content, vous allez en Pologne. Oui, alors ça c'est le truc le plus intéressant, c'est qu'ils disent, donc dans cette discussion qui était en... Enfin, vous savez, maintenant, vous pouvez faire ça sur Instagram, Facebook, Twitter, vous avez ce qu'on appelle des spaces, quoi, où vous créez une espèce de room, quoi, hein, vous pouvez discuter entre vous. Et là, il y avait des musulmanes, peut-être aussi quelques Français de souche, qui disaient, enfin, voilà, qui avaient la discussion que vous avez entendue. Et donc, in fine, bon, les musulmans, hein, les immigrés de confession musulmane, disent aux Français de souche, bah, écoutez, de toute façon, hein, la France, c'est chez nous, si ça vous plaît pas, la porte est grande ouverte, tirez-vous en Pologne. Voilà. Alors, question, est-ce un bon conseil? Et si vous avez quelque chose à dire sur cet aveu, parce qu'en fait, ils parlent toujours comme ça, en fait, c'est les médias de gauche qui font semblant de nier, mais si vous discutez avec les musulmans, ils sont très ouverts en réalité hein, là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Qui voudrait commencer? Eh bien, Ah, veux-tu parler d'Romel? Oh, pas forcément tout de suite, après, si tu veux. D'accord. Eh bien oui, je vais commencer. Moi j'allais dire justement sur les musulmans, en fait eux ils voient très bien la chose, c'est-à-dire au-delà de ce concept stupide de créolisation, si on veut pas parler de grand remplacement, ce qu'utilise la gauche, la créolisation ce serait un mélange, eux ils ne voient pas un mélange, eux ils voient une guerre de conquête et une colonisation de peuplement. C'est clairement le projet, ils nous le disent, de façon franche, faut le reconnaître, hein, c'est pas souvent qu'ils sont très francs et honnêtes, donc il faut leur reconnaître ça, puisque en fait, ils se savent différents. Ils ont compris qu'ils étaient différents, ce qui d'un côté est positif pour nous, puisque ça permettra peut-être de réveiller certaines personnes, et ça fait écho à ce que vous avez dit tout à l'heure, ça mettra peut-être fin aussi, une fin accélérée à l'universalisme, qui est à mettre dans les poubelles de l'histoire, où les gens comprendront que bah non, l'humanité n'est pas une, qu'il y a des gens différents, et que parmi ces gens différents, il y a des gens qui ne leur veulent pas du bien. Au-delà de ça, je remarque aussi que bah, pour les Arabes, ils ont compris que vu qu'ils n'avaient pas la qualité pour nous remplacer, par exemple, à la tête de l'État ou quoi que ce soit, eh bien, ils agissaient sur la quantité. Donc voilà, c'est chacun son plan selon ses capacités. Ça marche bien en démocratie d'ailleurs. Ah, tu parlais de créolisation, ça c'est le mot de Mélenchon. Emmanuel Macron utilise le terme de transition démographique et nous de grand remplacement. Donc c'est ça qui est très drôle, c'est qu'au fond, on parle de la même chose, mais on utilise, enfin, ou pas, des euphémismes. Et plus on se déporte vers la gauche, plus on utilise d'euphémismes, en fait. Hein. Donc la créolisation, c'est le grand remplacement, mais c'est bien, c'est cool, c'est positif, c'est génial. Puis alors, Macron est malin, Mélenchon est malin, il dit créolisation, ça veut dire les Antilles, le Tiponche, c'est marrant, on va danser, vous voyez, il y aura des bananes, vous voyez, c'est le côté vacances, quoi, tu vois, bon, ça, c'est Mélenchon, c'est la façon dont, voilà, c'est le goulag, mais il fait beau et il y a des cocotiers, vous allez voir, c'est super, il y a un bar en piscine et tout, c'est sympa. Et non, c'est pas sympa, d'abord, vous aurez pas le soleil, parce que, bon, le grand remplacement à Roubaix, par exemple, bon, bah, on appelle ça créolisation, mais enfin, il fait quand même un temps affreux, l'architecture est à chier et les bougnons ont toujours la même sale gueule, donc c'est très déplaisant, c'est clair. Donc transition démographique, ça fait Macron quoi, hein, ça fait technocrate quoi. Là, ça, c'est une transition démographique, voilà, c'est des stats, hein, c'est des numéros, c'est des chiffres, voilà. Bon, Ok, mais c'est quand même bien de la merde aussi, quoi. C'est-à-dire que t'es toujours à Roubaix, tu vois, t'as dit transition démographique, tu vois, t'as l'impression d'avoir lu un communiqué de la préfecture, bah, c'est quand même bien de la merde, hein. Je veux dire, t'as quand même des moukars partout, des arabes partout, ils sont insupportables, ils ont des gueules pas possibles, bon, bah voilà, c'est pareil. Grand remplacement, c'est trop gentil même encore, grand remplacement, je trouve. Bon, c'est plus édifiant, hein, on comprend un peu mieux. Mais je préfère quand même guerre raciale, hein, guerre raciale, au moins là, je crois que les mots sont mis. Hein, voilà. Bon. Ça, c'est ma petite aparté là-dessus. Quelqu'un d'autre sur cet échange très direct Oui, j'aurais quelque chose à ajouter. Alors, toi, t'aimes bien le terme guerre raciale, moi j'aime bien le terme grand génocide. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Ce que je dirais à propos de cette damoiselle, hein, je reste poli pour l'instant. En fait, l'élite française l'a déportée, elle et ses compatriotes avec elle. Maintenant, ils sont des millions, mais ils sont pas venus en tant que colonisateurs. Ils se sont fait déporter, ils sont arrivés ici. Et tandis que là, elle n'est plus simplement une immigrée. Quand elle fait ses propos, elle endosse en fait le costume de génocidaire, de colonisatrice. Donc, elle est jeune, elle fanfaronne. Moi, je l'encouragerais à arrêter de fanfaronner parce que si elle regarde l'histoire, quand des colonisateurs se font expulser, il y a des bricoles qui se passent. Donc, voilà, ça c'était une petite parenthèse. Après, parce que en fait, moi, d'entendre des discours pareils, ça me révulse. Donc, j'ai bah quand oui, même une petite. Ils te sont adressés, donc forcément, ça doit être. Ça me révulse parce que ils sont en train de nous dire, bon ben, nanani nananer, on fait 10 enfants, vous n'en faites plus, vous êtes exterminés pour toujours. Bah c'est, non, mais ça c'est factuel, ça c'est factuel. Bah c'est ce qui est en train de se dérouler si rien n'arrive, effectivement. Moi, je voulais dire encore une fois, c'est l'arrogance de gens que l'on a fait venir, en effet, et qu'on a fait venir avec un tapis rouge, pratiquement, alors même s'ils diront le contraire, et c'est vrai que certains ont vécu, on y reviendra sûrement dans la rubrique suivante, mais certains vivent leur immigration avec une certaine rancœur, mais il est évident que pour d'autres, voilà, nous avons typiquement l'arrogance de ces gens-là, mais encore une fois, Je citerai Jean-Marie Le Pen, hein, qui disait « L'Europe et maintenant la France connaissent une crise de dénatalité sans précédent qui, si elle n'est pas enrayée, marquerait non pas seulement le déclin de notre civilisation, mais la disparition de nos peuples. Alors qu'en face, dans les pays sous-développés, en particulier l'Afrique et l'Asie, dans le tiers-monde, une fantastique explosion démographique est en cours. Elle crée des courants perturbés des zones de haute pression vers les zones de basse pression démographique, courants qui, si nous n'y opposons pas notre force et notre lucidité et notre courage, submergeront et balayeront les civilisations dont nous sommes les gardiens et les porteurs. » Voilà. Et Jean-Marie Le Pen écrivait ça en 1984. Donc, les Français d'abord, c'est page 102. C'est-à-dire que, ben voilà, moi j'ai lu les Français d'abord en 1985, prêté par une de mes camarades de classe. Et ben oui, j'ai compris qu'en effet il avait raison. Pourtant j'habitais dans un village qui n'était pas grand remplacé, même pas du tout. Mais ça fait 35 ans, enfin pratiquement 40 ans pour Jean-Marie Le Pen qu'il a dit ça. Et puis ça fait 35 ans que j'entends le discours au sein de la droite nationale, immigrés dehors, abattons les ennemis de la France et de la race blanche. Oui. Mais voilà, ça fait 35 ans que le peuple français ne se réveille pas. Parce que, bon, on pourrait invoquer de multiples raisons, mais toujours les mêmes pour moi, hein. Les supermarchés sont achalandés, les pompes sont pleines et les portables en fonctionnement. Et ce qui devient carrément désespérant dans cette affaire, c'est que, face à ces discours-là, qui sont connus, c'est évident, tout le monde le sait que ça se passe comme ça, eh bien, la seule chose qui nous reste à faire, c'est à attendre que ça s'écroule. En espérant que, le jour où ça s'écroulera, où il y aura vraiment des tensions qui deviendront insupportables, eh bien, il faudra être là. il faudra que nous soyons là pour saisir l'occasion et saisir sûrement l'occasion du trouble et du chaos qu'il y aura pour espérer reprendre le pouvoir. Mais ça, c'est quelque chose qui sera extrêmement difficile, délicat. J'entends ce que tu dis. Oui, pardon, je t'en prie. Non, j'entends ce que tu dis. Simplement, tu dis les causes, etc., on les connaît. Bah oui, on les connaît, on le voit avec l'Iran. Alors, c'est pas que la société iranienne a les solutions aux problèmes, puisqu'ils ont des problèmes démographiques, etc. Donc, ce qui montre en fait que, en dépit des tentatives, ils n'ont pas réussi véritablement à solidifier un modèle social qui soit intéressant. Mais les réactions de la société française, des médias français, et notamment de la droite française, ou ce qu'on présente comme tel, à la situation là-bas, démontre en fait que les causes qui précipitent la disparition de la France comme peuple sont défendues avec fanatisme par ceux qui prétendent apporter des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, la détestation de l'islam par mouvement purement réactif, épidermique, à effectivement une incursion de plus en plus massive d'origine étrangère à une culture différente, pousse cette droite réactionnaire à se solidariser du modèle social français actuel, qui est un modèle social féministe. Modèle social féministe qui a détruit la famille française et la natalité française. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même être cohérent. Si vous voulez une natalité forte, vous ne défendez pas les causes de la dépression démographique qu'est le féminisme institutionnel. C'est-à-dire que si vous êtes pour le divorce, si vous êtes pour l'avortement, si vous êtes pour l'encouragement à la bézouille dès le collège par des profs complètement hystériques, maintenant on en est même à enseigner l'homosexualité, la transsexualité dès le plus jeune âge à l'école. Hein, ça devient, vous avez vu là le mulâtre à la tête du ministère de l'Éducation, il dit maintenant il faut que ça aille vite. Hein, maintenant il faut vraiment dès le plus jeune âge il faut tout de suite enseigner la sodomie aux gamins quoi. Voilà. Bon, bah, vous aimez ce modèle-là ? Bon, bah vous aurez pas. Vous n'aurez pas de natalité. Vous n'aurez pas de natalité. Donc ensuite, on va vous dire, ah, mais vous avez vu, on ne fait pas assez d'enfants en France. Et pourtant, hein, au niveau économique, on a besoin de bras, hein, on a besoin de main-d'œuvre. Hein. Alors comment on va faire ? Bah, la réponse, elle est là, puisque c'est la même depuis les années 60. Ah ben, on va faire venir des étrangers. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, quand vous avez des gens qui critiquent l'immigration de masse, moi je veux bien qu'on critique l'immigration de masse comme conséquence. Pourquoi pas ? On dit, voilà, il y en a assez de voir tous ces étrangers, etc. Mais à la minute où vous touchez la cause fondamentale de l'immigration, c'est-à-dire l'effondrement démographique, parce que c'est ça, l'immigration est considérée comme une prothèse en soutien à la dépression démographique. En tout cas, c'est présenté comme ça au masse. À la minute où vous dites, ah bah, il faut réinterroger toutes nos considérations, nos principes, nos institutions, ce qui guide la politique publique, il faut complètement revoir. Là, vous avez la même droite, et même la même extrême droite, qui vous dit « Oh, horreur, damnation, mais vous n'y pensez pas !»« Mais interdire l'avortement, vous êtes complètement fou !»« Quoi ? Hein ? Quoi ? Supprimer le mariage pour tous ?»« Mais vous n'allez pas priver de droits les homosexuels, mais vous êtes tombés sur la tête !» Alors moi, je dis « D'accord, si vous ne voulez pas modifier ce système, arrêtez de vous plaindre de l'immigration, parce que vous allez manger de l'immigration tant que vous ne ferez pas de gosse. » Et c'est ce que nous dit cette musulmane. Donc moi, je réagis à ses propos, je passe outre le ton provocateur, narquois de la musulmane, pour m'arrêter à la véritable dimension de cette personne, qui est de révéler les faiblesses de la société française. Exactement. C'est toujours ça. Un problème n'est qu'un révélateur de nos propres faiblesses. La musulmane met les Français le nez dans leur merde. Elle leur met le doigt sur la plaie, quoi. Elle leur dit, vous faites pas de gamins, eh ben nous on en fait des gosses. On en fait. Vous avez vu, là, Kenza, elle en a fait 3, 4. Et regardez-le, elle en fait 3, 4, 5. Voilà. Ils vous le disent. Et bien sûr qu'ils vous le disent. Mais quand vous voulez, quand vous remettez en cause le confort des poufias, alors là, tous les radars de la droite et de l'extrême droite sont brouillés. C'est fini. Il n'y a plus un avion qui décolle. C'est terminé. D'accord ? Alors ça, c'est un dogme à l'extrême droite. Il est interdit de remettre en cause le droit des poufias à se comporter comme des poufias. C'est interdit. Pupute veut se comporter comme une pupute, c'est son droit fondamental. Vous n'avez pas à remettre ça en cause, voilà. Ah merde, on ne fait pas assez de gamins. Ah oui, oui, oui. C'est, oui. Le problème, c'est qu'il y a aussi à l'extrême droite, je parle notamment de l'extrême droite électoraliste, le fait de dire oui, mais on peut pas dire ça, c'est pas porteur, vous comprenez. Oui, donc non, mais si tu veux, donc c'est-à-dire que oui, mais t'as totalement raison de pointer du doigt le phénomène mortifère, le phénomène d'entraînement mortifère de la démocratie, quoi. C'est terrible. Bah oui, forcément. Et en plus, le pire, c'est que c'est un argument qui au plan purement technique, au plan de la technique électorale, s'entend totalement. Le mec, il dit, bah oui, je vais pas quand même raconter à tout le monde que je veux supprimer l'avortement. Qui va voter pour moi? Personne. Et ben voilà. Voilà. Et ben là, on remet le doigt sur la culpabilité, hélas, du peuple français. Exactement. Parce que si vous dites qu'il faut une société d'ordre, il faut remettre tout en ordre, chacun à sa place, comme qu'a fait Adolf Hitler. Bon, je dis pas de dire comme a fait Adolf Hitler, mais même sans dire ça, ça, comme tu as dit, tous les radars se mettent au rouge et c'est fini. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une culpabilité une culpabilité qui nous incombe. Et c'est pour ça que je dis toujours, je sais que très bien que sur le forum on critique énormément là-dessus, quand je dis oui, ce n'est pas avec des discours qui crient haro sur l'immigré, haro sur les musulmans, haro sur, oui, peut-être, mais si on ne se réforme pas nous-mêmes, vous aurez beau renvoyer les immigrés, 20 ans après ils seront là, c'était comme avec les juifs, on les virait, ils revenaient parce que ils s'intégraient dans un circuit social. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ben là, c'est une question de pression. Là, on peut comparer ça à la météo. C'est-à-dire que si vous avez une zone de basse dépression, une zone de haute pression, ben le phénomène est mécanique. Si vous voulez, c'est que vous pouvez faire tous les serments que vous voulez, vous avez un phénomène physique, d'accord ? Et visiblement, les gens ne le comprennent pas. Là, le combat numéro un en Europe, ça devrait être le combat pour la natalité. Ça devrait être ça, en fait. La natalité. Ouais, mais le problème, c'est que pour une natalité, moi qui ai eu beaucoup d'enfants, je sais ce que c'est que dans nos sociétés modernes, avoir une forte, avoir beaucoup, beaucoup d'enfants, c'est vraiment, la société est contre ça. Et on Absolument. En parlait avec Jérôme Bourbon, rien que par exemple pour les voitures. Vous devez avoir un siège enfant, vous savez, jusqu'à pas d'an. Moi, j'avais jamais ça, j'étais toujours dans l'illégalité, parce que sinon, j'aurais jamais pu sortir. Avec toutes ces normes, toutes ces machins, tous ces trucs, c'est extrêmement délicat. Et avoir beaucoup d'enfants, je l'ai vécu dans ma chair, c'est un sacrifice permanent, c'est un beau sacrifice, parce que ça donne énormément de bien, de plaisir, etc. Mais c'est un sacrifice permanent, et cette société fait tout contre. Oui, donc c'est toute la société qui a changé. Absolument, voilà. Donc, comment dirais-je, et alors, bon, que la gauche prône, je veux dire, la décadence, le déclin, l'hédonisme, le côté dionysiaque absolu. Bon, bah oui, mais le truc qui est effrayant, c'est de voir qu'en fait, l'extrême droite est pratiquement plus radicale sur ces questions-là. Hein, je veux dire, bon, le RN devient caricatural puisque c'est gouverné par des femmes et des homosexuels. Donc évidemment, c'est pour l'avortement et la sexualité récréative, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, je dis pas qu'il faut... je vais pas rentrer dans les détails, quoi. Je dis pas qu'il faut s'ennuyer au niveau sexuel, mais enfin... je veux dire, quand vous en êtes à 1,3 enfants par femme, que vos natalités sont remplies à 40% de nègres et de bicots d'Algérie et d'aller savoir toutes les peuplades du reste du monde qui veulent bien donner la peine de nous envahir, il faut quand même un petit peu commencer à se poser des questions, je veux dire, et je suis très gentil quand je dis ça. Eh ben non, on va encore s'enthousiasmer pour la question de comment va-t-on faire pour transformer les Iraniennes en putes, quoi. Bon, comment va-t-on passer ces prochaines vacances? Il faut y skier. Ah, voilà, non, mais voilà, donc j'ai vu ça partout. Mais c'est ça. Je pense que dans les déclarations de cette femme, musulmane, qui vous met en fait la vérité dans les dents, qui confirme évidemment un constat qui est fait. Je pense que ça invite à dépasser le simple constat, parce que dit ouais, le grand remplacement, bon, au bout d'un moment, on a compris qu'on est grand remplacé, je veux dire, on l'a vu, bon, voilà. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah, voilà, et on ne se contente pas de dire « sale bougnoule ». On dit « non, il faut nous prendre en main ». Tant qu'on dira que « sale bougnoule, renvoyons-les chez eux », ça ne servira à rien. Bah, c'est même pas ça, c'est-à-dire que, à la limite, tu dis « sale bougnoule », mais les autres, ils disent « ouais, d'accord, mais qu'est-ce que, mais concrètement, vous faites quoi ?» Ah bah non, non, non, moi je continue à regarder mes trucs à la con à la télé, etc. quoi. Ah d'accord, ok, tu vois. Ben oui, parce qu'en fait, t'es alcoolique et t'as pas tellement envie de lâcher la bouteille, quoi. Tu vois, c'est, c'est ça le truc. Oui, c'est ça, exactement ça. C'est le problème de l'alcoolique qui a une pituite. Il dit, docteur, guérissez-moi de ma pituite. Mais non, c'est toi qui dois te guérir de ton alcool, mon vieux. Je veux dire, le docteur, il peut faire quelque chose, mais si tu continues à boire, elle va revenir. Et c'est toujours la même chose. C'est qu'on est en permanence dans... Bien sûr qu'il faut dénoncer et qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on fera une fois de tous ces gens. Mais il faut en même temps se dire, mais qu'est-ce que l'on peut faire, nous, pour nous renforcer? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez nous pour qu'on en arrive là? Il faut quand même voir qu'on était un pays qui était quand même grand. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez nous? Et toujours pas rechercher des ennemis ou des causes extérieures, toujours à dire « ouais, mais c'est la faute d'un tel, c'est un tel, c'est un tel ». Mais non, je suis désolé. Moi, j'ai vu combien de blancs, quand j'étais avec mes enfants dans la rue, qui se moquaient de moi, qui disaient « ah ben dis donc, c'est pas une bite que vous avez, c'est une mitrailleuse ». C'était des blancs qui me disaient. Les arabes, par contre, oh, ben, ils me disaient, souvent j'ai eu ça, hein, de gens qui me disaient « oh, félicitations, monsieur ». Et ben voilà, c'était les blancs qui se foutaient de ma gueule, et je suis impoli parce que des fois, ça m'a révulsé. Je dis, très bien, on verra. Ah bah ça c'est une anecdote qui, tu vois, qui est un vrai enseignement. C'est-à-dire que les Arabes, les Arabes te félicitent. Ah bah oui, parce que eux, en fait, c'est marrant, mais au moins ces gens-là, ils réagissent avec des instincts naturels fonctionnels. Donc il voit un homme qui a beaucoup d'enfants, il se dit bah c'est un homme de qualité. Ah oui. C'est un patriarche. Tu vois, il s'identifie, c'est un patriarche. Bon, donc ça m'étonne pas. Alors que les dégénérés, ils te font le reproche d'être fonctionnels. Alors qu'il y a trois générations, un homme en France, un chef de famille en France. Dans les années 1910-1920, bon, on va dire avant la Première Guerre mondiale, qui avait 7-8 enfants, sans être la norme, c'était quelque chose qu'on trouvait, quoi, tu vois. C'était quelque chose qu'on trouvait. Et personne, enfin, ça aurait traversé l'esprit d'aucun Français d'aller prendre à partie un chef de famille avec 7 ou 8 enfants en lui disant vous avez des problèmes, monsieur, c'est pas possible, tu vois. Tu vois, c'est ce que tu me dis là, ça montre à quel point cette population est malade, quoi. À quel point elle est malade. Oui, ça, je l'ai vu. Et je me souviens qu'un jour, par exemple, je sortais de ma voiture avec mes enfants et mes courses. Eh bien, ce sont deux Arabes qui, voyant que j'avais des enfants et des courses et que j'étais un peu gêné, sont venus m'aider. Et ben, c'est pas un blanc qui aurait fait ça. Alors, encore une fois, je sais, ça déplaît ce discours. Mais je l'ai vécu, moi, tout ça. J'ai vécu énormément de difficultés avec des blancs dans des magasins. Ah, mais vous avez beaucoup d'enfants, pourquoi vous les emmenez, etc., etc. Jamais avec des gens de couleur. Je suis obligé de le dire, c'est terrible. J'en souffre, mais c'est mon témoignage personnel, ça. Non, mais c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les blancs sont au stade terminal de l'individualisme et de l'égoïsme. C'est-à-dire que ces populations africaines, ces populations maghrébines, qui elles-mêmes ont souvent, encore, pas toutes, hein, mais encore souvent des familles assez nombreuses, à leur niveau, voient les enfants comme des opportunités, comme quelque chose de normal, c'est bien, c'est ouais. Bon. Et nous, enfin, l'interprétation chez les blancs, oh là là, mais qu'est-ce qui débarque avec ça, ce malin, mais d'où ça sort, mais pff, oh là là, mais où le foutoir, et puis ça fout du bordel, on ne s'entend plus. Vous voyez, cette attitude. Et en fait, parce que c'est le confort, non, mais on ne peut pas faire nos courses tranquillement. Voilà. Voilà. Et ben, je crois que Vincent, avec cette anecdote, tu pointes du doigt l'instinct de mort qui est en jeu. Hein, c'est tout. C'est les pulsions de mort qui traversent la race blanche. Alors, faut pas trop. Pour ça, je suis d'accord avec toi, tu vois, sur ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut constater les problèmes raciaux, évidemment, les pointer du doigt. Mais surtout, il faut voir là où ça déconne, dans la race blanche. Mais souvent, quand on dit, bon, parce que quand on pointe du doigt un autre, ça va. Mais quand on commence à dire, ce serait pas mal de faire une autocritique, ouh, il y a beaucoup moins de clients déjà. Il y a beaucoup moins de clients. Jean, j'ai envie de me retourner vers toi avant qu'on passe au sujet suivant. Dans tout ce qu'on a, tout ce qui a été dit là, je te demande pas si t'es d'accord ou pas d'accord, mais est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît manquer dans les différents éléments qui ont été apportés? Oui, alors cette fois, je m'indigne au plus haut point, puisque cette arabe, je pense qu'elle est arabe, ne parle pas du bilan carbone de tous ses enfants. Ah bah, ils ont quoi? Ils ont 5-6 enfants et toutes ces couches, tout ce carbone qui est émis dans l'atmosphère, ça les angoisse pas? Mais je ne comprends pas. Et puis alors, c'est le même, bon, c'est pas exactement le même peuple, mais c'est le même, la même religion, les mêmes types de personnes qui organisent la Coupe du Monde dans des stades réfrigérés. Qatar, hein. Ah, ouais. Oui, au Qatar. Ils organisent ça avec plein d'avions, une noria d'avions pour amener les supporters. C'est bizarre, ces gens, ils sont gourmands, ils ont envie de vivre. Hein. Je me demande s'ils possèdent leur appartement à Bobigny, s'ils ont vraiment attendu d'être propriétaires, s'ils ont vraiment coché toutes les cases, d'être mariés, et ainsi de suite, avant de commencer à faire des enfants, s'ils sont monogames, tout ça, c'est bizarre quand même. Moi, je me pose des questions. En parlant de ça, tu sais, du bilan carbone, je voyais que Thomas Guénolé, le jour sur... Twitter, donc vous savez, c'est un gauchiste qui s'est rendu célèbre pour clasher Ouria Boutedja avec un numéro sur l'universalisme. C'est assez marrant. Bon, il avait mis Ouria Boutedja face à ses contradictions, ceci étant dit, parce qu'en fait, il avait démontré par A plus B qu'Ouria Boutedja était une racialiste maghrébine, ce qu'elle est absolument. Mais pour moi, c'est pas un défaut. Mais comme Ouria Boutedja joue sur les deux tableaux, évidemment, elle s'était fait avoir. Mais Thomas Guénolé, donc un gauchiste fini, qui s'était fait dégager des médias suite à... Bon, je vous passe les détails, il était invité partout, et puis ensuite, il s'était fait dégager. Et là, il dit... il spammait ce message sans arrêt, il disait qu'il était impératif que les populations occidentales et européennes, et en France notamment, fassent beaucoup moins d'enfants. Et alors, les gens réagissaient, notamment des gens, des partisans de la natalité blanche, disaient, ouais, mais là, pourquoi ils disaient, etc. Et alors, regardez en Afrique. Et alors, il revenait constamment avec le même message. C'est-à-dire qu'il spammait, il copiait-collait, quoi. Il disait, non, mais la consommation carbone médiane en Afrique est bien moindre et tout, donc il n'y a pas de problème et tout, machin. Mais là, tu peux les mettre échec et mat avec cet argument. Et je voulais en parler dans l'émission, justement. Donc, les mecs, il faut répondre à ça en disant, donc vous êtes contre l'immigration, monsieur Guénolé. Il va dire, comment ça, je suis contre l'immigration? Bien sûr que non. Pourquoi? Non, je pense que tout le monde a sa place. Bah non. Vous êtes d'accord que une personne qui immigre en France deviendra un consommateur demain en France. Donc, on a une chance exceptionnelle avec la baisse de la population en Europe. Vous dites vous-même que l'Europe surconsomme. La baisse massive de la population à cause du tassement démographique est une chance. Donc, plutôt que d'essayer de compenser cette baisse de population avec une immigration qui vient d'Afrique, il faut absolument boucler les frontières. Évidemment, évidemment. Sinon, vous faites venir constamment de nouveaux consommateurs qui vont s'intégrer dans la machine capitaliste européenne. Donc, moi, je vous dis, monsieur Guénolé, vous êtes probablement un des nouveaux porte-voix de la fin de l'immigration en France. Et là le mec, il va arrêter de parler. Il va arrêter de parler de carbone. Il va en arrêter, tout simplement. Parce que l'objectif de ces mecs, c'est de transporter l'Afrique en Europe. C'est leur seul but. Hein. Je veux dire, l'écologie, mais ils n'en ont rien à branler. Hein. Je veux dire, ils veulent juste détruire des Blancs. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont tellement la haine d'eux-mêmes, qui font tellement profession de haine raciale vis-à-vis de leur propre groupe, que leur seule obsession, c'est de nuire à des petits Blancs, en fait. Hein. Donc ça s'arrêterait très vite. Donc, si jamais vous tombez sur ce type d'argument, il faut que les Blancs en Europe ou on arrête de faire des gosses, mais en Afrique, c'est pas un problème, vous leur dites, vous avez raison, c'est le meilleur argument contre l'immigration de masse, on va quand même pas remplacer des consommateurs blancs européens par des consommateurs d'Afrique installés en Europe. Donc voilà, donc merci pour cet argument. Alors là, avec ça, vous allez faire fleurir sur les réseaux sociaux, c'est garanti d'avance. Ils pourront jamais vous dire « Ah oui, non, mais ils consomment pas pareil. » Si, si, ils consomment totalement pas pareil, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, bah oui, parce qu'on est tous égaux, par ailleurs. Hein. Tous égaux. Hein. On part tous des nags de la même manière, jusqu'à preuve du contraire. Donc, voilà. Voilà. Bon, bah, je voulais en parler parce que il a essayé sa petite subtilité, là, et c'était un truc de demi-habile. Voilà. Donc, voilà. Vite fait, en passant. Voilà. Quelqu'un d'autre sur tout ce qu'on a dit ou pas? Non? D'accord. Alors, avant de faire une pause musicale, nous allons nous tourner vers notre rubrique numéro 4, cache-route. La cache-route, c'est important de respecter les interdits alimentaires de la loi juive, moi je trouve. Et pour cette rubrique, nous allons interroger Philippe de Villiers, hein, qui, cette semaine, a fait une déclaration choc. Il a parlé du génocide du peuple français, mais n'ayez crainte, Philippe de Villiers a une solution. Vous n'en avez jamais entendu parler, elle est assez radicale, elle m'a surprise, je dois vous le dire. On l'écoute et on se retrouve. Est-ce que vous trouvez, Philippe de Villiers, qu'on manque d'épopée et d'exaltation en ce moment? Oui, et c'est très grave, parce qu'en réalité, si on ne donne pas à des jeunes Français de papier qui voudraient devenir des Français de désir, accès à nos héros, à nos saints, à nos légendes, à nos bravoures, à nos vies sacrificielles, à tout ce qui fait la grandeur, l'élégance et le poème français, eh bien, ils se tournent déjà vers d'autres saints, vers d'autres héros, vers d'autres légendes, vers d'autres bravoures, vers d'autres gloires et vers d'autres vies sacrificielles. Et c'est un drame. Nous vivons un mémoricide et un génocide en même temps. Un génocide parce qu'il y a un changement de population. C'est un clair. Génocide, Philippe de Villiers. Un génocide du peuple français, oui. Un génocide, oui. Vous employez... J'appelle, j'appelle génocide un basculement démographique qui fait que dans 30 ans, le problème est réglé. Il suffit d'aller dans la rue pour le voir. Et un mémoricide, c'est-à-dire une désaffiliation, c'est-à-dire qu'on n'offre plus aux jeunes Français ce qu'était le roman national, c'est-à-dire un roman d'amour. Alors moi, je ne vais pas prendre la parole tout de suite, je vais plutôt la donner à Jean Bureau. Jean, est-ce que la solution de Philippe de Villiers, qui consiste à donner en exemple nos saints, nos héros, est une solution? Donc, donner en exemple aux immigrés, hein, qui se donnent la peine de venir en France, est-ce que leur donner en exemple nos héros, nos saints, tout ça, est-ce que c'est une solution au génocide français? Oui ou non? Non mais c'est une blague. Non mais je pose la question. Mais il nous faut encore le coup. Non mais il ah ben, plus que jamais. Il a un livre à vendre. Il a un livre à vendre. Il a un roman. Non, mais c'est un roman. C'est pathétique. Est-ce qu'il a déjà passé 5 minutes avec un petit arabe, je sais pas, de 8-12 ans? Pour discuter de l'histoire de France. Moi je l'ai déjà fait. Hein. J'ai donné des cours une fois dans ma jeunesse perdue, des cours de maths. Et ben je peux vous dire que faire 3 fois 50, c'est déjà très très très compliqué. Alors j'ai essayé de lui conceptualiser ça. Bon, disons t'as un budget, tu t'achètes des Nike, ça coûte 100 € et 3 fois 50, combien il te reste? Enfin bref, de ce genre d'histoire. Ils comprennent rien. Donc, qu'est-ce qu'il va aller lui parler de Jeanne d'Arc, de quoi il va leur parler d'ailleurs exactement? Il veut leur donner des héros français, mais nos vrais héros, ils luttent contre l'envahisseur. Nos vrais héros, je sais pas moi. Par exemple, j'écoutais récemment quelques chants militaires français. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Capitaine Bianca Maria. Il est mort, tué par les Felaga en Algérie. Donc bon, ils en ont fait un chant de promotion à Saint-Cyr. Ça, c'est un héros. Ça, c'est un mec, respect. Il a donné sa vie. C'était un militaire de carrière. Il a fait de grandes choses. Mais alors, il luttait contre la diversité chère à ce monsieur. Donc ces gens vivent sur une autre planète, ils sont complètement à l'ouest. Enfin, et le fait que ce jeu médiatique là fonctionne encore, que on continue d'offrir ça aux goyim, en prêt-à-porter. Je sais pas, j'ai pas les mots, j'en perds mon latin. C'est le cas de le dire. Qui d'autre? Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable en prenant. Fais attention. tu t'en fais l'avocat du diable en ce moment. Non, mais c'est, je mets des guillemets, bien sûr, parce que si vous voulez, moi, je pense que Philippe de Villiers, il est un peu le cul entre deux chaises. Il est dans la mouvance Zemmour, qui est donc pro métissage. Ah non, pardon, pro assimilation, ce qui revient au même pour moi, et que donc. Donc, il a le cul entre deux chaises. Alors d'un côté Zemmour. Alors quelle serait l'autre chaise? Bah, l'autre chaise, c'est que il nomme le terme génocide des Français. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Donc c'est quand même une déclaration choc. Et moi, ça me plaît d'entendre ça, parce que ce concept de génocide des Français est absent en fait de la bouche de tous ceux qui interviennent. Donc au moins, si on se limite à ce terme qui est utilisé, génocide des Français, on peut même en parler, parce que si les Français c'est Lilian Thuram, c'est Jamel Debbouze, ce serait bien de dire autre chose que Français, peut-être pour distinguer les autochtones des autres. Bon, de Villiers le dit, c'est ça qui est piégé. Il dit pour transformer les Français de papier en Français de cœur ou d'amour. Enfin, j'ai oublié ça. De désir, je crois. Ouais, de désir. Voilà, il dit ça. Donc voilà, toi tu dis il faut comment faire pour distinguer les Lilian Thuram, etc. Ben de Villiers, il a cette expression. Il dit voilà, les Français de papier. Comment transformer les Français de papier en Français de désir? Donc tu vois, il a un élément de langage. Qu'est-ce que tu dis Je dis que là, ma défense va s'arrêter là. C'est que je suis content qu'il sort ce terme de génocide des Français, parce qu'au moins ça met ce terme. Il y a eu le grand remplacement, il y a eu le francocide. Et moi, tout l'aspect assimilation, je supporte pas ça, parce que c'est le métissage. Donc ça revient au bout du compte au génocide, si c'est poussé à l'extrême. Donc j'ai essayé de prendre sa défense. C'est un peu limité. Les Français, ils se moquent du monde. C'est vraiment une blague. Ou alors il est fou. Mais bon, c'est bien lui qui a mis Mathilde Gamassou, Jeanne d'Arc pendant ses fêtes, et qui était tout content d'avoir une semi-négresse polonaise, je sais pas quoi, pour faire Jeanne d'Arc. Ok, c'est... ça, j'étais pas au courant, j'approuve pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur les plateaux télé qui emploie le terme génocide des Français? C'est un bon début quand même. J'ai une piste là-dessus pour un petit peu vous réconcilier. C'est-à-dire que De Villiers, si vous suivez sa pratique médiatique, vous découvrirez, et vous allez le découvrir, que c'est quelqu'un qui a été formé par des communicants. Et c'est un élève appliqué, très peu imaginatif. C'est pas pour rien qu'il a fait l'ENA. Alors, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'en fait, il va accorder, vous allez voir, il va accorder une dizaine d'interviews, une quinzaine d'interviews. Il va accorder à des grands médias, il va accorder à des médias vraiment confidentiels, de niche, mais très à droite, dont il sait que c'est son public privilégié. J'ai pas d'idée en tête, mais ça peut être notamment TV Liberté, par exemple, ça peut être Valeurs Actuelles, ou même beaucoup plus à droite, je veux dire, des trucs vraiment très très très marqués. Et à côté de ça, il va aller dans un truc vraiment grand public. Ça peut, je ne sais pas si BFM va lui accorder un micro, mais probablement CNews, si ce n'est pas déjà fait, etc. Et alors, sa stratégie, ça consiste à quoi? Il doit avoir un mot choc. C'est-à-dire que dans le brouhaha médiatique, il faut que le mec arrive à... que sa tête dépasse. Il faut que, hop, il dise quelque chose qui attire toute l'attention de ses ennemis pour lui tirer dessus. Et là, il a trouvé la formule « génocide des Français ». C'est son plan com. Mais c'est un plan com. Alors, et c'est là que vous pouvez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, notre camarade Hydromel voit le verre à moitié plein. Il dit « ça y est, le mot est lâché. Enfin, ça y est, c'est bon. Oui, okay. Ça fait longtemps qu'on attend que ce soit diffusé, ça fait, depuis que ça a commencé, c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans qu'on devrait en parler de ce terme. Donc, voilà. Là, c'est et un peu tard. Quel génocide, on est bientôt 70 millions en France, et c'est parce qu'il y a de plus en plus de Mathilde Gamassou, c'est pour ça qu'il n'y a pas de génocide. Attendez, il y a un génocide. Attendez, après on va discuter de la notion en elle-même, mais sur De Villiers, c'est ça, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, je balance un truc qui va faire que les mecs vont s'écharper et tout, tout le monde va parler de moi, et incidemment de mon bouquin. Vous comprenez? Donc le mec vend son bouquin. C'est, De Villiers est un pur boutiquier, c'est ça qui est absolument indécent chez cet homme. C'est que c'est un boutiquier. Et il va trouver le moyen de citer le Puy du Fou, parce que le seul objectif de ce mec-là dans sa vie, c'est de faire des entrées au parc du Puy du Fou. Ne riez pas, c'est authentique. Les mecs, ils croient, qu'ils prennent texto que le mec est... Je sais pas quoi, quand il est possédé par le, je sais pas, c'est une nouvelle Jeanne d'Arc ou il attend Jeanne d'Arc. Non, le mec est prêt de sa caisse, etc. Alors, il y a des gens qui vont s'en frotter les mains en disant, écoute, si le gars fait avancer le schmilblick, tant mieux. Voilà. Puis il y a d'autres qui vont dire, ouais, non, mais attendez, c'est bien gentil, mais là, le gars, il nous prend un peu pour des cons. Oui, il vous prend totalement pour des cons, parce que quand vous écoutez le truc, le mec, il a prévu son plan. C'est-à-dire que, après avoir sorti son truc « Génocide des Français pour faire hurler tout le monde », il va s'assurer dans les trois phrases suivantes de dire exactement l'inverse. Pour être totalement tranquille judiciairement. Alors le mec il dit « Mais monsieur, vous vous rendez compte, génocide, mais à quoi ça renvoie? L'Holocauste fatalement, hein, je veux dire. Mais on peut pas dire des choses comme ça, etc. Bah quoi Ben oui, vous parlez de français de papier, etc. Mais écoutez, moi, je propose de donner un espoir à tous ces jeunes qui sont en France, qui sont d'origine immigrée et qui vont rester là, qui sont parmi nous et qui veulent un avenir. Mais il faut leur donner... Et là, il embraye le mec. Il te dit, voilà, Jeanne d'Arc, machin. Et là, il embrouille tout le monde. Il a fait la promo de son bouquin, il a donné à manger à l'extrême droite, il a rassuré les médias juifs, il s'est protégé judiciairement, ce qui fait que si jamais quelqu'un est tenté de le poursuivre en justice, ce qui est assez peu probable, le mec, il risque rien. Et ensuite, au bout d'un mois de ce numéro-là, il repart dans sa Vendée compter ses billets d'entrée. Mais c'est absolument... ce n'est que ça. C'est effrayant, mais c'est ça. Alors bon, après les gens vont dire, bon écoutez, c'est peut-être ça, mais bon, à tout prendre, je prends au moins ça, parce que ça vaut mieux que rien. Oui, on peut le voir comme ça. Moi, je suis quand même beaucoup plus critique, Jean aussi, je pense. C'est-à-dire que quand t'écoutes le mot « génocide des Français », ah putain, il se passe un truc, bon, un génocide, c'est pas tous les jours. Donc, si un ancien ministre dit ça, c'est qu'il se passe quelque chose. J'écoute la discussion. Alors tu dis, putain, génocide. Alors, génocide, l'extinction des gènes des Français, quoi. Hein, c'est-à-dire Il faut pas forcément que le sang coule. C'est-à-dire, s'il y a l'extinction, Ça, c'est autre chose. Mais on va dire, c'est la disparition physique du socle biologique des Français autochtones, quoi. Voilà, c'est... Alors tu dis, il a une solution. Le mec, il dit, on va leur donner des modèles. Alors, bon, allez, on leur parlait à Jeanne d'Arc, Saint-Gilbert, on leur parlait un peu de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bon, la flambée entre-temps cramée par les juifs, c'est autre chose. Faut pas en parler d'ailleurs, on sait toujours pas pourquoi la brûler. C'est mystérieux ça, hein, voilà. Et ça va bien se passer. Voilà, un bon coup d'assimilation. Du coup, en fait, tu te retrouves avec cette dialectique où d'un côté, t'as, non mais rassurez-vous, l'immigration demain, ça va bien se passer parce que les droits de l'homme. Les gens, ils commencent à en avoir un peu plein le cul, tu vois, parce que dans les rues, les bougnoules, il y en a de plus en plus, les noirs, il y en a de plus en plus, les nanas se font violer dans les rues. Alors bon, quand c'est ta fille, tu tires un peu la gueule, quand même. Tu commences à dire, bon, est-ce qu'on pourrait... Non, mais rassurez-vous, ça va bien se passer, parce que les droits de l'homme, la démocratie, c'est extraordinaire. C'est, si on accorde suffisamment de temps, ça va bien se passer. Bon, tu te fatigues, tu dis, bon, d'accord, bon, je vais aller voir un petit peu en face ce qu'ils ont à dire. Là, tu tombes sur De Villiers, terrifiant. Génocide des Français, ça y est, on va disparaître. Ah d'accord, quelle est la solution? Ah ben, Jésus. Jeanne d'Arc. Orléans. Ah ben oui, j'y avais pas pensé. les Soudanais vont arrêter de pointer les blanches quand on leur a parlé de Jeanne d'Arc à Orléans, c'est sûr et certain. Et c'est encore pire que ça, c'est de notre faute s'ils ont attaqué les blanches ou que s'ils aiment pas la France, c'est parce qu'on leur en aura pas assez parlé. Voilà, bah, c'est ouais, une fois de plus la faute de ces sales blancs. Ils ont mal fait le boulot, ils ont pas cherché à parler à ces gens, alors qu'on a un trésor de culture que vous pouvez à partager. Non, mais à partager, c'est une histoire de partage d'amour. Il faut, et c'est ça qui est frappant chez De Villiers, mais je crois que c'est lié à sa religion. Il parle comme une femme, quoi. Parle comme une femme. Moi, j'entends une femme parler, quoi. Amour, humanité, etc. Mais non. Moi, je veux entendre parler de glaive, de masse d'armes, de reconquête, de points forts, de contre-offensive, voilà, de trucs d'homme. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi, de partager quoi que ce soit avec Mamadou. Moi, je veux la reconquête. Moi, je veux des trucs de mec. Vous voyez ? Il en a une grand-mère, une chaisière, là, il est près du bénitier, là, Marie-Madeleine, priez pour nous. c'est la comique, quoi, je veux dire. Vraiment, quoi. Et alors, si vous avez l'impression que je caricature, que je. À l'excès, bah non, du tout. Alors, bah, ça vous donne Zemmour. Bon, maintenant, carrément, bah, l'extrême droite française, c'est un séfarad d'Algérie. Bon, alors, à partir de ce moment-là, je veux dire, tout c'est open bar, hein, je veux dire. Et alors, il vitupère, il hurle contre le fait même qu'on parle de race. C'est un peu comme un vampire, tu sais, il a vu la lumière, tu sais. Ouais, non, mais c'est énorme parce qu'il arrive sur les plateaux puis il dit, oh, mais tout le monde dit que je suis un extrémiste alors que je parle comme les politiciens de la Troisième République d'il y a 100 ans, hein, des centristes, des gens de gauche, ils parlaient comme moi, je comprends pas. Bah oui, c'est toujours la gauche qui décide de l'agenda, de ce dont on va parler, la gauche a décidé que bah on allait reparler de race. Donc voilà, c'est comme ça. Mais il a un train, il a 100 ans de retard, et puis il comprend pas pourquoi ça va pas son discours. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, Jean. Je suis totalement d'accord, puisque au final, pour par exemple De Villiers, qui se disait royaliste, etc., il rentre dans la magie républicaine de l'assimilation. C'est-à-dire que la magie républicaine, par exemple, c'est de croire que on vient tous d'Afrique et par je ne sais quelle magie, nous on est devenus blancs, mais on est comme les noirs. Et ben là, la nouvelle magie républicaine, c'est la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'un noir qui arrive en France, il parle français, il connaît trois dates de l'histoire, et bien il est français. Ça, c'est vraiment... Ils sont dans la magie républicaine d'il y a 100 ans. Oui, d'ailleurs, à propos de cette mystique républicaine dans laquelle se complaît maintenant, enfin, peut-être depuis toujours d'ailleurs, Philippe de Villiers, c'est très amusant de voir à chaque fois comme elle se heurte sur les faits. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'espèce de commission pour les Marocains à l'étranger a demandé à Ipsos le sentiment des Marocains vivant en Europe. Et le sondage est sorti le 17 septembre. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc des Marocains, 1440 Marocains, je crois, résidant en Europe, de 18 à 35 ans, ont été interrogés. Et sur « Vous sentez-vous français ou dans le pays où vous êtes ?» et où vous sentez-vous comme un étranger et sentez-vous qu'on vous ressent aussi comme un étranger, hein. Donc il y avait plusieurs questions, c'était bon. Eh bien, les chiffres sont très parlants, parce que en France, 94% des Marocains vivant en France parlent la langue française. 86% ont la nationalité française. Eh bien, combien estiment être perçus comme des étrangers ou se sentir comme des étrangers? 80%. Donc, ils sont pratiquement 100% à parler la langue française, pratiquement 9 sur 10 ont la nationalité française, mais 8 sur 10 se sentent comme des étrangers. Et un pays qui est encore plus extraordinaire, enfin plus extraordinaire, non, c'est logique, mais les Pays-Bas, 99% des Marocains des Pays-Bas parlent la langue des Pays-Bas, 99% ont la nationalité des Pays-Bas, hollandaise, et 84% se sentent comme des étrangers ou sont estime qu'on les ressent comme des étrangers. Donc toute la mystique républicaine se heurte comme on se heurte sur un mur, devant un mur, face à tout ça. Alors, on nous ressort toujours l'argument « Ah oui, mais par le passé, la France a assimilé. » Mais oui, mais vous jouez sur une confusion. Vous confondez immigration de travail et immigration de peuplement. L'immigration de travail, elle est toujours ultra minoritaire, même s'il peut exister des vagues, pour cause de guerre, pour cause de famine, il y a des vagues, mais sur une longue période, c'est toujours minoritaire. Et donc, cette immigration donc, du passé, elle était non seulement de travail donc minoritaire, mais c'était en immense majorité des peuples blancs, européens et chrétiens en général, dont il y avait une espèce de commune, une souche commune. Alors, c'était des Italiens, des Espagnols, des Polonais, ce que l'on veut. Enfin, bon. Bref, donc, or aujourd'hui, nous sommes face à une immigration de peuplement avec des gens de cultures très différentes. Et les chiffres que je viens de citer, qui sont encore une fois pas de moi, hein, c'est la Commission pour les Marocains de l'étranger. Les chiffres montrent que même quand ces gens ont la nationalité, parlent la langue et ont fait leurs études dans le pays, ils se sentent comme des étrangers. Et j'en terminerai avec cette petite remarque, c'est que vous remarquerez que le discours pro-immigré est un double discours qui, quelle que soit la situation, gagne. Je vous explique rapidement. On nous dit d'un côté, ça c'est le discours de De Villiers, « Ah, mais on va en faire des Français, parce qu'on leur aura appris notre vie sacrificielle, Jeanne d'Arc, nos saints, blablabla, on va en faire des Français. » Très bien. Et puis quand ça marche pas, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit ? « Ah, mais on va s'enrichir de nos différences. » Ben voilà. Ça prouve bien qu'un immigré qui arrive en France, il reste différent. Donc vous jouez sur les deux tableaux, d'un côté vous parlez d'assimilation, mais de l'autre vous dites « Ah mais on va s'enrichir de nos différences ». C'est deux discours totalement contradictoires. Et alors, il est évident qu'on ne peut pas effacer des différences. Et encore une fois, moi je l'ai vécu dans ma chair en allant vivre à l'étranger, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre. Je me suis jamais senti belge et mes enfants qui étaient en France ne se sentaient pas belges. Quand ils apprenaient l'histoire belge, on apprenait ça vite fait, t'apprends ça par cœur, mais on n'en a rien à faire de l'histoire belge, etc. En Angleterre, c'est pareil. Bon. Donc, on ne peut pas effacer la différence. On est lié à sa terre qu'on le veuille ou pas. Et ça veut dire que si on a une immigration de peuplement, eh bien, c'est l'immigré, si on ne le canalise pas, qui s'imposera et qui remplacera l'homme de souche, et c'est ce qu'on a vu, on a entendu tout à l'heure avec cette jeune immigrée. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le discours de Villiers qui se heurte à toutes les réalités et qui fait partie, qui est une des faces de ce discours à double face qui permet toujours d'en sortir. Voilà. Oui, je veux préciser une chose quand même. C'est pourquoi de Villiers dit ça, au-delà de l'opportunisme de son plan de communication. C'est propre à son milieu, et d'une manière générale à la bourgeoisie française, on va dire, de droite, voire d'extrême droite. C'est-à-dire que cette bourgeoisie ne veut pas rompre avec le système. Donc elle essaye... Tout à fait d'accord. Elle essaye de dire sans dire. Elle essaye d'aller aussi loin qu'elle peut à l'intérieur du système, sans rompre avec le système. Au bout d'un moment, il faut poser la question, mais vers qui va votre véritable fidélité ? Au système, ou bien à ceux dont vous prétendez prendre la défense. C'est-à-dire que pourquoi essayer de maintenir des illusions comme de Villiers ? Pourquoi essayer de parler de français de désir, de maintenir cette fiction d'un contractualisme rousseauiste complètement oblitéré par l'immigration du tiers-monde ? Pourquoi essayer de faire croire qu'on peut transformer des gens qui ne veulent pas être, pour commencer, transformés en français, parce qu'ils viennent d'ailleurs, ils ont les papiers, ils ont la langue, mais ils n'ont pas, et ils ne peuvent pas avoir... de sentiment d'appartenance à la France. Ils peuvent peut-être éventuellement aimer la ville où ils se trouvent, etc., mais ne pas ressentir ce que ressentent les Français de souche, ni même avoir d'affect pour eux, évidemment, pour les raisons que tu as expliquées. Pourquoi vous essayez de maintenir cette fiction ? Pourquoi vous essayez de mentir ? Pourquoi vous essayez de jouer sur les deux tableaux ? Précisément parce que, socialement, vous êtes en haut de la chaîne alimentaire et vous avez peur de perdre cette position. C'est pour ça que vous essayez d'un côté de faire des appels du pied aux petits Français qui sont sous la pression migratoire, et de l'autre, ne pas rompre avec l'appareil politico-médiatique en place. C'est ça la réalité. Vous jouez sur les deux tableaux, donc vous avez un double discours. Un coup, je parle de génocide des Français, un coup, je dis la solution miracle, c'est de les assimiler, et pas de les foutre dehors, alors que tout le monde sait très bien que la solution, c'est de les foutre dehors, si jamais encore ce serait possible si on trouvait suffisamment de détermination pour le faire. Voilà, voilà la vérité. Personne ne voudra jamais y céder. Quand Zemmour arrive à la télévision, bon, lui, évidemment, il a encore plus de raisons de jouer sur les deux tableaux, ou sur les trois tableaux, parce qu'il est juif, bourgeois, et sa base politique, c'est la base des petits blancs énervés par l'immigration. Donc lui, ça va, il dit, voilà, on en a marre, etc. Là, il parle de Jésus, de trucs, machin, mais il est juif. Moi, c'est ça qui est fou. Juste pour ça, je m'arrête 5 secondes, mais qui arrête de nous tartiner avec Jésus, qui se convertisse, qui filme sa conversion au catholicisme, ou qui ferme sa gueule. Mais qu'il arrête d'aller prier Yahvé tous les samedis, et de débarouler dans les églises pour prendre des photos, pour se payer la tête du gogol, comme il le fait actuellement. Enfin, on se fout du monde, vous voyez. Mais visiblement, ça passe. Bon, peut-être que le niveau d'exigence n'est pas très élevé, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Et en fait, on ne prête pas attention, et comme le niveau d'exigence est bas, ben on les laisse faire. Parce qu'en fait, on dit, ouais, non, mais bien sûr, il dit ça, mais bon, c'est pas trop grave. Enfin, tu vois, il faut voir les choses positivement. Et en fait, comme tout le monde essaie de voir les choses positivement, tu ne vois pas qu'il te fait enculer, en fait. C'est ça, le truc. Donc, voilà, donc les gens laissent filer, puis au final, bah t'avales absolument tout, quoi. Voilà, alors, moi je dis, ben, je sais pas s'il y aura encore un parti nationaliste en France, je sais pas si ça existera jamais. Bon, il y a une tentative avec le Front National, Jean-Marie Le Pen, bon, maintenant c'est fini. Mais, évidemment, les Français, enfin, si on tient encore au qualificatif qui compte, enfin, si on doit s'intéresser à une définition ethno-identitaire de ce qu'est être français, ça suppose de rappeler l'évidence. Si t'as pas de sang européen, déjà t'es pas français. T'as peut-être des papiers français. T'es peut-être administrativement français, si jamais ça veut dire rien, mais t'es pas français. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça va totalement contre la fameuse citation de De Gaulle que Henri de Lesquin aime beaucoup rappeler sur le fait que c'est très bien qu'il y ait des Français blancs, des Français noirs et des Français jaunes et je sais pas quoi. Ça prouve que la France est universelle. Oui, Non. Ces gens sont pas français. S'ils sont pas blancs de souche européenne, ils peuvent pas être français. Et ils pourraient être jamais les citoyens d'un pays européen. C'est une lubie, c'est une folie. Et pour revenir sur la distinction qu'a faite Vincent à propos de l'immigration de travail contre l'immigration de peuplement, le problème, c'est toujours pareil, c'est que, comme avec les femmes iraniennes, si on accepte qu'elles enlèvent le voile, c'est toujours la porte ouverte ensuite. Mais t'as accepté ça, pourquoi t'acceptes pas l'étape suivante? Donc t'as accepté l'immigration de travail, ces gens ont travaillé dans tes mines, dans tes usines, ils ont réparé tes voitures et ainsi de suite, bah, ils peuvent bien venir avec leurs femmes. Maintenant, on va faire le regroupement familial. Puis en plus, écoute bien, parce que c'était un des arguments qui était employé dans les années 70, comme ils vont venir avec leurs femmes, ils arrêteront d'envoyer l'argent au bled. Donc l'argent, il restera en France. Donc tu gagneras plus d'argent. Donc, eh ben, allons-y avec le regroupement familial. Et puis, bah, écoute, ils peuvent aussi venir étudier. Ça prouve la grandeur de la France. Ça prouve que la France a beaucoup à enseigner au tiers-monde et au reste du monde. Et ainsi de suite. Et on s'arrête plus. On s'arrête plus. On arrive là, en France, en 2022. On peut plus sortir de chez soi, même dans un village de reculés de France, sans voir des nègres et des bougnoules qui font n'importe quoi. Donc, ouais. Non, zéro dès le départ. Et si on refuse ce principe, eh ben, on finit crevé. Oui, voilà, je vais plus à résumer, pas besoin d'ajouter grand-chose de plus. Mais voilà. Alors, messieurs, on fait une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission où on va se focaliser sur la situation avec la Russie qui s'aggrave très nettement. Hein, je crois que là, c'est au-delà de tout débat. On peut en débattre, mais je veux dire, le constat est objectif et certain. Et puis, la situation de la France, la situation économique de la France qui s'aggrave alors tout à fait spectaculairement. On y revient. Pause musicale. Et on est de retour. Nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 7, épisode 33. Alors messieurs, l'économie française se porte mal, hein, on peut le dire, mais en fait ça ne veut plus rien dire, parce que finalement elle se porte mal depuis allez savoir quand. La dette française accumule les milliers de milliards, tout le monde s'en fout. Hein, clairement, tout le monde s'en fout vraiment. L'accélération de cette dette échappe à tout contrôle. Les Français n'en ont rien à faire. La preuve, ils auront reconduit Emmanuel Macron, qui a quand même chargé la bête de 700 à 800 milliards sur son premier mandat, hein, quand on y ajoute les intérêts. Ah, mais tout va très bien. Et ça n'a pas l'air de prendre une direction différente, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, des chiffres bruts. Alors, je sais que pour nos auditeurs, bon, vous n'êtes pas des économistes, enfin, pour la plupart d'entre vous, bien sûr, je n'en suis pas, hein. Je n'ai pas prétention à l'être, et il ne s'agit pas de faire de la théorie économique, hein. Il s'agit simplement de regarder concrètement, hein, c'est quoi les ordres de grandeur, qu'est-ce qui se passe, dans quelle direction va l'économie française, où nous nous trouvons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout d'un coup il y a des lumières rouges qui s'allument un peu partout. Et pourquoi Bruno Le Maire met-il un col roulé ? Alors, la réponse, un début de réponse. Hein. Alors, je vais citer un juif pour changer, Marc Toiti. Vous connaissez peut-être Marc Toiti ? Donc, c'est un spéculateur, hein, voilà, très connu sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'il nous dit. Mais ça, c'est des statistiques brutes. Hein, je veux dire, là, il n'y a pas d'interprétation possible. Hein, je veux dire, c'est pas... C'est pas ouvert au débat entre rabbins. Alors, nouveau double record historique pour le déficit commercial, donc français, hein, à 15,3 milliards d'euros pour le mois d'août, hein, donc sur le mois d'août. Et au total, toujours à la date du mois d'août, 139 milliards d'euros actuellement. Là aussi, un record historique. Mais l'année n'est pas terminée, vous l'aurez compris évidemment, parce qu'il reste 4 mois à tirer, hein, en 2022, septembre, octobre, novembre, décembre, avec les joies des difficultés en approvisionnement énergétique. Je suis convaincu qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, désormais portant des cols roulés, vont être à la hauteur du défi. Ceci étant dit, hein, pour l'appareil industriel français, pour les exportateurs français, c'est un petit peu compliqué. Hein, c'est un petit peu compliqué. Alors, en décembre, à combien sera-t-on ? Je ne sais pas, je ne vais pas m'amuser à faire de projections. C'est 140 actuellement. Est-ce que ça sera plus ? Oui, certainement. Est-ce que ça sera 160, 170, 180, 190 milliards d'euros de déficit commercial ? Je ne le sais pas. Alors, je pose la question, je me retourne vers Jean, hein, tout de suite. Jean, ces chiffres te surprennent-ils ? Qui vois-tu ? Comment les interprètes-tu ? Y a-t-il dans les déclarations des autorités françaises quelque chose que tu aimerais mettre en avant par rapport soit à la situation du commerce extérieur français, soit de l'état de la dette française, bon, qui est généralement assez commentée, donc voilà. Mais bon, voilà, je te mets ce chiffre-là, qu'est-ce que tu dis ? Toi, tu réagis comment quand tu vois ça ? Bon, je pense qu'il y a pas énormément d'analyse économique à faire. La France est ruinée. La France se vide de sa substance progressivement. Enfin, c'est la plantation à nègre qui est gourmande, qui prend beaucoup de ressources. Donc, faut importer beaucoup. Et puis, bah, malheureusement, même si c'est de l'or noir, et ben, ça ne s'exporte pas très bien. Ça fait pas beaucoup de bénéfices. Je comprends pas. Donc, moi non plus, c'est tout à fait surprenant. Je pense qu'on devrait demander à Marine Le Pen. Elle devrait pouvoir nous expliquer très bien ce qui se passe et économiquement comment bleu. Redresser. L'or bleu, l'or noir, l'or. Que de l'or, que de l'or qui tombe sur nous. Quelle chance. Absolument. Non, bah bon. C'est, à mon avis, là, on est dans les dernières scènes. La bête commence à... Ouais, le dragon commence à faire sortir de l'eau par le ventre. Et à mon avis, avis, là, il va y avoir un sacré feu d'artifice qui va venir. Bon, enfin, c'est pas, on en rit ici. C'est sûr que c'est un sujet assez grave puisque bon, économiquement, ça va, il va y avoir de la casse, mais bon. Mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire moi, ce que je te dirais comme truc, c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir de la casse? Parce que j'ai vu Bruno Le Maire. Vous, les gens vont porter des cols roulés, voilà, comme le chef. Alors il y a les pulls à col roulé, puis il y a les bites à col roulé aussi. Je sais pas si vous connaissez ça, les bites à col roulé, qui dirigent vraiment la France. Comment dire Non, mais il a dit. En fait, il a annoncé que ça allait imprimer à gogo, parce que là, les entreprises, vous savez, ils achètent par tranche semestriel ou annuel ou même multi-annuel leur contrat d'électricité, et ils disent attendez, là, j'ai pas la même facture l'année passée, là, c'est un petit peu différent parce que ça augmente. C'est l'électricité, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Parce que les gens, ils sont pas. Ils anticipent assez peu, hein, je veux dire. Je leur jette pas la pierre, parce que, entre nous soit dit, quand tu es petit patron ou même patron d'une moyenne entreprise, tu es trop occupé avec ce que tu as à faire pour pas t'intéresser à la géopolitique et tout. Tu entends vaguement parler, il y a un conflit, il y a un truc, mais tu as d'autres problèmes à régler, quoi. C'est que quand tu vois les trucs augmenter, tu dis attends, il y a un truc, là. Et là, ils disent mais non, mais en fait, c'est. Oui, il y a une corrélation, en fait, entre les décisions macroéconomiques que prennent les dirigeants français, dans le cas de l'Union européenne face à la Russie, et ce que tu vis toi. Simplement, ça met 9 mois, 1 an à le ressentir. Voilà, et ce moment se rapproche, quoi. Donc en fait, là, Bruno Le Maire, il disait, oui, après son épisode à col roulé, là, il a dit, non, mais avec le président français Emmanuel Macron, depuis 5 ans, on réindustrialise la France. Et il est hors de question de laisser la crise énergétique, donc sous-entendu temporaire, remettre en cause ses efforts, sous-entendu couronnés de succès. Donc, l'État sera présent aux côtés des entreprises. Donc, traduisez, on va imprimer comme des tarés, on va faire des chèques énergie à tout le monde, ça va être merveilleux. Alors, Jean, je te transmets l'information, quoi, et je te demande, est-ce que d'après tout, quelles vont être les conséquences de cette politique qui va consister à l'État français d'emprunter le pognon qu'il faudra emprunter pour régler la note de l'énergie à la place des entreprises françaises? Comment tu perçois ça? Bah, de toute façon, il y a deux sorties possibles quand on s'est mis à s'endetter comme ça. Quand un État s'est mis à s'endetter de manière folle, c'est que soit on augmente les taux et on impose une rigueur qui est dévastatrice pour l'économie, mais qui permet de sauver la monnaie, le papier sur lequel toute cette histoire est basée. Soit, de toute façon, c'est quasiment à chaque fois la solution qui est choisie. Le seul exemple où ils ont vraiment augmenté les taux, ils ont sauvé la monnaie, c'est au début des années 80 aux États-Unis avec Paul Volcker. Mais dans quasiment tous les exemples historiques, ce qui se passe, c'est que on imprime de la monnaie et ensuite on se retourne vers les gens, on leur dit « Ah, mais il y a de l'inflation, mais c'est de votre faute, c'est parce que c'est vous qui ne donnez pas assez de valeur à vos billets qu'on a imprimés comme des malades. » Donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix, là. Je vois pas d'autres possibilités pour eux. Politiquement, ils peuvent pas commencer à faire des restrictions sévères sur le flux d'argent. Ils ont déjà essayé, la Banque d'Angleterre s'est retournée, là, déjà. Ils essayaient d'augmenter les taux pour diminuer l'inflation. En fait, l'inflation a explosé après le Covid parce que la plupart des banques centrales se sont dit « Ah, c'est open bar, on va imprimer 30 à 40% de la masse monétaire en 1 à 2 ans. » Donc, par exemple, la quantité totale de dollars imprimés depuis les années 1913, il me semble, a augmenté de 40% en 2 ans là, avec le Covid. Donc, évidemment, quand on est sorti de la « entre guillemets crise » qui était totalement artificielle, on s'est retrouvé avec une inflation absolument délirante. Et c'est le cas pour beaucoup de biens. Et ceci, sans même parler des histoires russes, parce que ça avait fortement commencé à monter avant la guerre en Ukraine. Et c'était ce qui devait arriver. Je pensais qu'ils allaient essayer de faire durer le plus longtemps possible les restrictions, mais je pense qu'il y a des barrages qui ont dû sauter quelque part. Il y a des gens qui ont dû dire non, là, c'est plus possible aux histoires de Covid. Et donc, on a rouvert plus ou moins à fond. Et ben on ressent les dégâts là actuellement monétairement. Donc là on sait qu'on est, enfin Mais je en pense qu'on est Angleterre, déjà là? en hyperinflation. En En Angleterre? Angleterre, donc l'inflation avait explosé évidemment. La banque centrale anglaise avait commencé à relever les taux puisque c'est ce que toutes les banques centrales faisaient pour protéger leur monnaie face à l'inflation. Et les Anglais ont failli faire péter leur système de retraite. Et plusieurs, enfin, des fonds de pension étaient en faillite. Il y a eu des gros problèmes de financement dans pas mal d'institutions. Donc, ils ont dit qu'ils allaient faire une pause de 2 semaines sur la remontée des taux et ils se sont mis à racheter des bons. C'est pas des bons du Trésor. Je sais plus comment ça s'appelle en Angleterre, mais bon, c'est un nom. Ils se sont mis du coup à racheter de la dette britannique pour éviter que le cours parte trop loin par rapport à ce qu'ils voulaient. Donc en fait, en termes clairs, on est en économie dirigée, c'est les banques centrales qui décident des prix. Donc il y a des prix qui laissent filer, des prix qui contrôlent. Et donc par exemple, les dettes des États, c'est des prix contrôlés. Donc la Banque centrale européenne le fait ouvertement avec l'Italie et l'Allemagne pour éviter qu'il y ait un différentiel trop important. Et donc ce qui va se passer fatalement. C'est que comme ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus s'arrêter d'imprimer de l'argent, eh ben ils continuent. Et en fait, c'est le véritable signe de l'hyperinflation, c'est qu'on ne peut plus du tout s'arrêter d'imprimer. C'est que la seule voie, c'est qu'il faut continuer. Et ben voilà, on va avoir là, on va avoir quoi? Peut-être 10. Je sais pas, comme tu disais, c'est difficile de faire des pronostics, mais on va avoir 10 à 15% d'inflation, et puis bah ça va monter en 2023 et en 2024 jusqu'à eh ben soit un établissement comme tu le proposes d'une dictature totalitaire avec des monnaies, mais bon, enfin, de toute façon, Enfin, en fait, ça sera. le Venezuela, hein, plus ou moins, en gros, c'est ce qui nous attend, quoi. Oui, quelque chose de tranquille entre la Yougoslavie, le Venezuela. Enfin bon, il y aura beaucoup de nègres, beaucoup d'arabes Bah oui, dans le lot. hein, on a bien L'Union compris, hein. soviétique. Oui, ah oui, et aussi un autre fait, et puis je m'arrête là, c'est que visiblement l'Organisation des Nations Unies a décidé, comme ça, de manière tout à fait impromptue, de proposer que les banques centrales cessent de faire du contrôle de l'inflation et de la relevée des taux, mais qu'elles se focalisent sur le contrôle des prix, c'est-à-dire qu'elle fixe elle-même les prix des biens et des matières premières. Donc, eh ben Ah oui, bah c'est c'est le simple, oui. communisme. Oui, c'est ça, oui, mais non, mais c'est le projet depuis le départ. Non, mais ça c'est connu, hein, c'est ce qu'a tenté Robespierre, on sait comment ça se termine. Enfin, le contrôle des prix, ça se finit toujours de la même manière. Hein, donc il y a une explosion du marché noir, enfin ça ne. Des Et têtes qui tombent. aussi, bien sûr, oui. Et j'en connais un qui doit rigoler, c'est Vladimir Poutine. Alors, c'est marrant parce que pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il a des matières premières. C'est-à-dire que d'un côté, non mais ça c'est extraordinaire en plus. Et Vladimir Poutine, bon, vous écoutez les médias occidentaux, vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est bon, Poutine il est vaincu parce que l'armée russe n'est pas aussi performante que prévu. C'est certain que le schéma qu'avait prévu Vladimir Poutine en termes d'opération militaire était restreint. Il y avait 200 000 hommes qui devaient intervenir en Ukraine. Donc c'était pas une invasion généralisée, etc. C'était quelque chose de plus restreint. Mais ils n'ont pas atteint tous leurs objectifs, etc. Bon, mais ça a suffi pour l'Occident à dire mais c'est bon, il est vaincu, il est écrasé. Voilà, et maintenant ça va être une promenade de santé. Sauf que Vladimir Poutine en fait sait qu'il a le levier stratégique, qui sont les leviers des ressources. C'est ce qu'il a expliqué à plusieurs reprises. Il a dit on va changer d'économie, on va être dans une économie où il faudra avoir des ressources dures, voilà, c'est-à-dire de l'or, du pétrole, des diamants, des terres rares, du gaz, etc. Enfin, des choses qu'on peut transformer physiquement, qui vont servir à l'économie réelle, donc à une économie productive, une économie focalisée sur l'industrie. Et toutes ces économies fondées sur la spéculation, etc., ça, c'est le monde d'hier, c'est fini, ça. Alors, on peut évidemment toujours relativiser, mais de fait, Vladimir Poutine a entre les mains ce que convoite l'Occident. Parce que pourquoi l'Occident, en premier lieu, veut, c'est ce qu'a dit encore Bolton aujourd'hui, hier, je crois, John Bolton, hein, bon, qui est connu pour être un des extrémistes américains, les plus bruyants. Il a dit, mais de toute façon, l'Ukraine, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est de renverser Vladimir Poutine. Il faut un changement de régime. Et c'est la même chose qu'on entend en Iran. Il faut changer le régime en Iran. Et évidemment, les gens vont dire, oui, mais Vladimir Poutine, il n'aime pas les homosexuels. Alors en Iran, ils voilent leurs femmes. Ça, c'est pour les gogos. C'est comment plaire à l'opinion publique bourgeoise avec ses petites thématiques à courte vue. Mais derrière ça, et c'est très efficace au plan médiatique d'ailleurs, mais derrière ça, les donneurs d'ordre, eux, ils voient autre chose. Donc pourquoi l'Occident convoite à ce point les ressources russes au point de vouloir employer la force et de détruire la Russie? Pourquoi? C'est que économiquement, ça va très très mal. Et si vous vous reportez au discours de Vladimir Poutine, qui a été prononcé la semaine dernière et sur lequel nous sommes revenus, il le dit très clairement, il dit, mais vous savez, hein, grosso modo, quand ça va mal en Occident, il se jette sur une proie, quoi. Et c'est exactement ça. Voilà. Alors, je vais pas dire c'est étonnant, il y a des États plus forts que d'autres, il y a des États forts qui essaient de dévorer des États faibles. Non, c'est vieux comme le monde, bien évidemment. Mais je veux dire, c'est le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est que, grosso modo, l'Occident démocrate, judéo-démocratique, financier est ruiné. Et il faut qu'il fasse main basse sur le jackpot. Et le jackpot, c'est les ressources de la Russie. Alors oui, en Europe ou en Amérique du Nord, il y a des outils de transformation parce qu'il y a l'intelligence, il y a de l'ingénierie, etc. Mais il faut quelque chose à transformer. Et ensuite, il y a le compétiteur chinois. Et en fait, il compte faire du pire deux coups. Je prends les ressources russes, j'encercle la Chine, et ensuite je décapite la Chine, j'élimine un concurrent industriel. Voilà, c'est le projet. C'est le projet auquel on assiste. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais dans tout ça, nous, Européens, nous aurions vocation à faire à nous une alliance stratégique avec les Russes. C'est l'évidence. Créer un espace euro-russe. Et dans cet espace euro-russe, d'être les arbitres entre Chinois et Américains. C'est ça la vérité. Et c'est ça qu'on veut nous empêcher de faire. C'est ça que les Américains essayent de nous empêcher de faire. Donc ils déclenchent des guerres tout le long de la frontière avec la Russie. Ils font sauter les gazoducs. Maintenant, il faut sauter les ponts pour nous empêcher physiquement d'avoir cette union stratégique avec les Russes. Voilà, ça c'est le grand drame. En fait, ils sont en guerre contre nous. Ils sont en guerre parce qu'ils veulent surtout pas qu'on s'aligne avec qu'on s'entende avec la Russie. Et donc, ils font tout ce qui est en leur pouvoir. Et j'ai lu récemment aussi que le gazoduc Nord Stream 2, me semble-t-il, avait deux tuyaux. L'un a été détruit et le deuxième ne l'a pas été. D'ailleurs, ils ont fait, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Apparemment, ils ont mis deux bombes sur le premier tuyau au lieu d'en mettre une sur chaque. Mais en fait, c'est illusoire de se dire qu'on va pouvoir utiliser tout de même ce deuxième gazoduc, puisque les Américains ont clairement dit, nous, on va vous détruire vos infrastructures énergétiques. D'ailleurs, comme vous faites rien, rien ne les empêchera de le refaire. Hein. Oui. Pourquoi se gêner? En fait, ils nous ont déclaré la guerre. Et personne, évidemment, ne l'a dit ouvertement. Parce qu'ils sont soumis. Oui, c'est sûr. Bon, je pense que les Américains ont fait du très très bon travail de domestication des élites européennes à travers tout un tas d'associations, Young Global Leader et je ne sais quoi, des trucs American Foundation pour faire venir des Européens chez eux, les former. Je pense que d'ailleurs, ça explique beaucoup l'animosité que les Polonais et les Lituaniens ont contre la Russie, c'est que c'est des gens qui ont été directement formés aux États-Unis. C'est d'ailleurs la même chose pour la jeunesse iranienne. C'est peu connu, mais une bonne partie de la jeunesse iranienne fait ses études aux États-Unis, va en Occident, donc évidemment derrière, ils veulent que leur pays adopte des méthodes démocratiques. Et en fait, on est en guerre là absolument contre les États-Unis. Ils sont prêts à nous ruiner. On est totalement jetables pour eux. parce que ils veulent à tout prix atteindre leur objectif qui est de débiter la Russie en petits morceaux et ensuite de débiter la Chine en petits morceaux, comme ils font toujours d'ailleurs. Bon, je veux pas faire mon UPRiste, mais pour le coup, je trouve que Asselineau fait une très très bonne conférence à ce sujet-là sur les euro-régions. Il explique très bien la stratégie des États-Unis pour couper tout un tas de pays en petits morceaux, qui est une vieille stratégie anglo-saxonne. Tu parlais de la Belgique tout à l'heure, mais la Belgique, c'est ça, hein. Ils ont détaché une partie qui devrait naturellement revenir à la France et la Flandre qui devrait naturellement revenir aux Pays-Bas. Et en fait, en débitant les pays en petits morceaux, on fait tout un tas de petites nations qui peuvent jamais rien dire à un grand pays, c'est vieux comme le monde. Qui d'autre sur la situation? Économique française, hein, on a vu. Comment dirais-je? Alors, la situation n'est pas. Pour la Russie, donc je vais quand même donner des éléments de réflexion. Donc, par rapport à tout ce qui est dit dans les médias français où on dépeint la position de la Russie comme étant catastrophique. Sur l'OPEP, victoire énorme de la Russie à l'OPEP. Je lis ici Courrier International. Pour le Wall Street Journal, il s'agit d'une décision susceptible de faire grimper les prix mondiaux déjà élevés de l'énergie et d'aider la Russie, exportatrice de pétrole, à payer sa guerre en Ukraine. Mercredi 5 octobre, rapporte le quotidien américain, les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc l'OPEP, ont annoncé une forte réduction de la production de pétrole à hauteur de 2 millions de barils par jour en moins, ce qui représente environ 2% de la production mondiale. Une décision qui a été prise en accord avec d'autres pays alliés des 13 membres de l'OPEP réunis au sein d'une alliance nommée OPEP+, dont fait partie la Russie. Les effets de ces mesures pour Moscou sont justement au cœur de l'analyse du quotidien économique qui explique que, selon les experts, cette décision serait une grande victoire pour la Russie qui a perdu environ 1 million de barils par jour de production de pétrole depuis le début de la guerre en février. Le Kremlin devrait en effet voir les profits de ses exportations augmenter dans un contexte où le pouvoir russe est menacé par la perspective d'un embargo de l'Union européenne sur le pétrole et le plafonnement des prix de celui-ci décidé par le G7. Alors oui, donc il y a une tentative de bras de fer entre le client et le producteur ici. Donc il faut savoir que les puissances occidentales ont essayé de fixer, donc les consommateurs que sont les puissances occidentales ont essayé de fixer arbitrairement les prix du pétrole pour essayer de détruire la Russie. Et alors, il s'attendait à ce qu'il y ait des divisions au sein des producteurs de pétrole et incidemment de gaz, et que ces producteurs laissent ces puissances fixer en fait des prix différents selon les producteurs, donc un prix pour l'énergie russe et un prix pour l'OPEP. Donc, le bâton et la carotte. Vous comprenez le principe. Je donne un coup de bâton sur la Russie en disant que son pétrole vaut X sur le marché, et je donne une carotte à mes amis arabes du Golfe en leur disant que leur pétrole reste à la valeur actuelle, donc la carotte. Et le problème, c'est que évidemment, les membres de l'OPEP ont immédiatement vu que tôt ou tard, le système du bâton et de la carotte leur serait appliqué aussi sous la pression de l'inflation. Et que pour X raisons, je ne sais pas, moi, la situation des pétasses, peut-être dans tel émirat ou dans tel autre, justifierait la réduction drastique du coût du baril en Europe, et donc qu'on n'accepterait plus le baril en dessous de tant en Europe. Alors, les Russes ont bien agi politiquement et diplomatiquement. Et ils ont parlé aux producteurs mondiaux, et tout le monde s'est mis d'accord pour dire que les puissances occidentales pouvaient aller se faire voir, et que le prix resterait le prix du marché, c'est-à-dire la loi de l'offre et la demande. Défaite considérable pour le G7 et pour les États-Unis, qui sont restés d'ailleurs sciés par le refus des Saoudiens de céder. Donc, préparez-vous peut-être à une révolution de couleur dans le futur en Arabie Saoudite sur le modèle iranien. Ça, oui, c'est ce que je disais. Ça pourrait se rapprocher. Hein. Mais en attendant, les producteurs ont dit, non, on produit, si vous voulez acheter, vous payez le prix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais dans l'univers communiste dans lequel on évolue, ces notions de prix deviennent compliquées à aborder. Hein. Donc voilà, avec les banques centrales, ça devient bizarre. Donc voilà. Alors, pour la Russie, c'est une grande victoire, puisque en fait, les autres producteurs ont refusé d'abandonner la Russie. Évidemment, pour défendre leurs propres intérêts. Mais enfin, ils ont refusé de l'abandonner. Et la Russie n'a pas pu être isolée. Ce qui fait que tout le gros baratin de von der Leyen consistant à dire « les prix de l'énergie augmentent, c'est à cause des Russes ». Bon, après avoir explicitement dit au niveau de l'Union européenne qu'on ne voulait pas de leur pétrole, il y a un embargo maintenant européen sur leur pétrole, en leur disant qu'on allait réduire la consommation de gaz russe en Europe, maintenant, si les prix montent, c'est de la faute des Russes. Ah bon, ok, von der Leyen, bon. Et alors là, elle voulait... c'était génial, hein, donc la logique communiste, hein, c'était, maintenant, nous sommes l'Union européenne, les droits de l'homme, votre gaz, votre pétrole, ça vaut tant. Alors, je sais que pour ceux qui nous écoutent, ça peut être un peu compliqué. C'est comme si vous avez une voiture d'occasion à vendre. C'est votre bagnole, ok. Vous avez une Clio à vendre. Ok, vous l'avez depuis 4 ans, vous voulez changer de voiture. Et en fait, vous êtes dans un environnement où en fait, c'est le client qui va vous dire que votre bagnole, son prix, c'est lui qui le détermine. Donc vous dites, je l'ai acheté à tel prix, je vais la vendre. Et bien, en fait, le mec vous dit, non, c'est moi qui décide. Vous dites, mais comment ça, c'est toi qui décide? J'aime pas ta gueule, j'aime pas pour qui tu votes, parce que t'es plutôt un connard d'extrême droite. Donc ta bagnole, elle va coûter 700 euros. Donc tu vas me la vendre à 700 euros maintenant. Voilà, merci. C'est en gros ce qu'a dit von der Leyen au Parlement européen, hein. Ni plus ni moins. Hein. Donc Poutine, je n'aime pas ta gueule, tu es un fasciste, ton pétrole, on l'achète à temps. Toi, tu n'as aucun mot à dire sur la valeur de ce que tu nous vends. Voilà. Je ne mens pas, c'est exactement ce qui se passe au Parlement européen. Attention, hein, c'est pas dans son petit bureau entre deux communiqués. Hein. C'est devant tout le parterre des incompétents qui sont votés par la plèbe, qui sont mis au pouvoir par la plèbe européenne, même si le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Je veux dire, mais ils sont quand même présents. Je veux dire, dans l'hémicycle, personne ne hurle en disant ou fou quoi. Je veux dire, non, tout se passe bien. Voilà. Alors Jean, peut-être là-dessus aussi, je veux t'entendre. J'interrogerai bien évidemment les autres, mais je veux dire juste là-dessus sur cette idée de, ce sont les consommateurs qui vont fixer le prix sur une base exclusivement politique. À la gueule du client. Ah, c'est fabuleux. J'aime beaucoup. C'est très très féminin de la part de von der Leyen parce que elle veut pas acheter de gaz et de pétrole russe. C'est mal, c'est méchant. Mais elle veut quand même en acheter. Mais c'est elle qui fixe le prix. On sait jamais ce qu'elle veut finalement. Mais c'est fabuleux ça. Ces gens qui peuvent se. En fait, je pense que la bonne image à utiliser, c'est que. On est des péquenauds au milieu du désert, ça fait 10 heures qu'on marche sans la moindre bouteille d'eau, et puis il y a des vendeurs de limonade, et nous on arrive et on dit « ouais, tu nous donnes tout gratos quasiment, on veut pas te payer », parce qu'en plus ils voulaient pas payer en roubles, il fallait qu'on les paye en euros, donc pour nous c'est gratos, on n'a qu'à imprimer des euros, les Russes ont rien à dire. Enfin, on nage en plein délire. Ces gens sont des fous furieux. Et bon, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de femmes et d'homosexuels et de juifs qui prennent ces décisions. Donc, chacun des trois groupes mentionnés a ses vices et ses tares qui font qu'ils raisonnent tous trois de la même manière à croire que c'est des méthodes tout à fait acceptables. Mais en fait, il y a tout un tas de pays qui en ont plus qu'assez. Un peu comme moi avec ses indignations occidentales. En fait, c'est vraiment un bébé à gérer, l'Occident, qui est en train de pleurer tout le temps, de gémir, qui exige des choses comme si tout lui était dû. Mais bon, pour prendre par exemple le plus gros producteur, l'Arabie Saoudite, ça fait des années que la diplomatie américaine les emmerde avec l'histoire du journaliste Khashoggi, que les Saoudiens ont eu le bon goût de découper en petits cubes dans une ambassade en Turquie. Et les Américains ne s'en remettent pas parce que la classe des journalistes, c'est une classe qui dans le, si on prend la strate de la société, il y a tout en haut, il y a les juifs. Mais les journalistes arrivent assez rapidement. Ouais, il y a les PD et ensuite les journalistes. Ouais. Les journalistes se voient vraiment comme une caste les prêtres. C'est la classe sacerdotale. C'est des curés qui doivent nous guider, nous prêcher la bonne parole, et donc ils s'en sont pas remis que les Saoudiens et ces manières relativement brutes de décoffrage, on va dire, mais bon. Bref. Attends. Si je peux me permettre, il y a autre chose, c'est que le Khashoggi en question travaillait pour le Washington Post, donc c'était quelqu'un de la maison. Ah oui, il travaillait pour Bezos. Et donc, bon, enfin bref, tout ça pour dire que l'Arabie Saoudite, ça les a quand même bien énervés. Ils respectaient Trump, je crois, mais avec Biden, le sénile, ce qui s'est passé en 2020, le vol de l'élection, je crois qu'ils ont vraiment trouvé ça pathétique et ridicule. Donc bah effectivement, il y a une sorte de ligue qui se fait parce que l'Occident est hors de contrôle et là on voit on soutient l'Ukraine qui bombarde une centrale nucléaire et on nous explique tranquillement que c'est les Russes depuis le parking de la centrale qui contrôle qui tirent sur leur propre centrale. Ou alors on laisse planer le doute, on dit il y a des bombardements, on sait pas qui fait ça. Poutine fait sauter ses propres gazoducs, Poutine fait sauter sa propre centrale nucléaire, qui est quand même en Europe, hein, donc si ça pète, on va quand même se prendre quelques petites substances radioactives sous forme de pluie. Mais enfin, peut-être que le nuage s'arrêtera à l'Allemagne, hein, on ne sait pas ce qu'ils vont nous sortir une fois que ce sera fait. Oui, parce que la France est une république. Oui, absolument. Ça devrait marcher. Avec le triptyque républicain, ça devrait nous protéger. Et puis bah oui, bon, c'est un sujet qui vient après. Biden parle d'armageddon nucléaire. Tout va bien. Oui, et c'est assez peu finalement cité. C'est-à-dire qu'on va dire oui, ah tiens, il a dit qu'on était au bord de l'apocalypse. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Ah oui, effectivement. Le président Joe Biden a dit que nous étions au bord de l'apocalypse nucléaire, etc. Et tout de suite après, ah bah le dernier clash sur Instagram, tu vois, c'est ça la réalité. Oui, c'est... Et puis au lieu d'en tirer les conséquences naturelles, qui sont, bah, je pense que tout homme blanc bien constitué se dirait immédiatement, oula, on va peut-être discuter, on va peut-être voir ce que Vladimir Poutine veut, est-ce que c'est raisonnable? Non, c'est l'hystérie totale, on continue de plus belle dans la même direction. Ils ont même dit qu'ils reconnaîtraient l'annexion de régions russes, russophones, de gens qui se reconnaissent comme russes. Il faudrait que ces gens soient sous le contrôle de polono-ukrainiens là du nord-ouest du pays. Enfin, délire après délire. En fait, l'Occident est dans un état de convulsion hystérique et là c'est le désastre qui s'annonce. Enfin, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est effectivement, on a mis des PD et des femmes au pouvoir, donc de manière très étonnante, avec des juifs bien sûr, de manière très étonnante, tous ces gens, c'est-à-dire des femmes, des PD et des juifs, sont très volatiles émotivement. Donc qu'est-ce qui va se passer d'après vous? C'est assez simple à comprendre, je veux dire. Bon. Alors, par rapport à l'économie, les décisions très, très avisées de l'Union européenne. Les sanctions. Alors, on s'est privé volontairement de gaz et de pétrole russe, ok, c'est cool, on est les plus forts. Bon, il faut les acheter ailleurs à prix d'or. Et vous avez remarqué que, effectivement, il faut acheter ça à prix d'or. Donc, vous voyez l'euro se casser la gueule, parce qu'en fait, tout le monde est en train de shorter l'euro. Parce que tous les mecs qui ont un peu de capitaux comprennent bien que l'Europe, ça craint. Ça, c'est une monnaie de singe gérée par des abrutis dans des pays qui n'ont pas d'armée, qui sont en train de provoquer une puissance nucléaire. Donc, bon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, on se demande, hein, tu vois. Alors, ils sont tous là, ouais, non, mais Zelensky, il a envoyé un missile sur le pont, hein, là, le mec, il est fort, hein, puis t'as vu, hein, pop, pop, pop, et regarde sur Twitter, t'as tous les gogol Twitter, tu sais. Bon, ok, on va voir comment ça va se goupiller. Bon, en attendant, les capitaux, moi, j'aime bien regarder les données brutes, tu vois les capitaux ou dans quelle direction ils vont. Et les capitaux vont pas tout à fait dans la direction des pom-pom girls pro-Ukraine. Hein. Ils vont plutôt vers les États-Unis, c'est-à-dire que très très loin du théâtre d'opération. Tout ça pour dire que on a shorté le gaz et le pétrole russe, ce qui nous contraint d'acheter forcément l'énergie en dehors de l'Europe à d'autres acteurs, avec des dollars. Donc on a créé les conditions de l'affaissement de l'euro pour acheter une ressource qu'on a sciemment shortée, ce qui évidemment nous pousse à acheter en dollars une énergie de plus en plus rare. Donc la formule gagnante, ça ne pourra que bien se passer. Qui d'autre là-dessus ? Vincent, t'as pas beaucoup entendu là-dessus, donc on a parlé du déficit commercial abyssal de la France, qui est proprement abyssal, hein, pour le coup, là on en est à 15 milliards, on ne se rend plus compte, parce que c'est vrai qu'avec les volumes d'argent maintenant qui circulent avec toute cette impression monétaire, bon bah, on se dit 15 milliards, qu'est-ce que c'est 15 milliards de plus sur un mois ? Mais justement, j'ai fait un petit calcul. Bah vas-y, toi, oui, parce que toi t'es un matheux, il y a ça, et ensuite il y a le contexte général, c'est-à-dire que on voit les décisions, c'est-à-dire qu'en fait on n'a plus accès à l'énergie russe, on va se reporter sur des énergies alternatives mais qui coûtent autrement plus cher, on a une monnaie dont la valeur est en train de s'écrouler, on a une pile de dettes, et les données brutes de l'économie, je veux dire les débouchés possibles au niveau de l'industrie, ça sont en train de s'écrouler complètement, parce que pour les raisons évidentes. Donc voilà, dans tout ça, toi, qu'est-ce que tu dis, quoi ? Alors justement, déjà, à propos de du déficit de la balance commerciale française, on dit beaucoup que c'est à cause du prix de l'énergie qui s'est envolé, mais c'est pas vrai. Les chiffres de l'INSEE, hein, sur l'INSEE, sont très clairs. Depuis 2004, la balance commerciale française est déficitaire. Et si l'on accepte la période 2011-2015, où le déficit a diminué, c'est-à-dire que le déficit annuel était un peu moins fort d'année en année, on pouvait dire « Ah, ah, ah, on revient vers une situation d'équilibre ». Non, depuis 2015, le déficit augmente chaque année, c'est-à-dire que le déficit annuel augmente chaque année. C'est-à-dire que quand on additionne tous les déficits annuels, on a ce qu'on appelle une augmentation exponentielle, c'est-à-dire que vraiment chaque année, la courbe monte, enfin descend de plus en plus vite, enfin la courbe de la dette monte de plus en plus vite. Et tu parles de la dette ou du déficit commercial là. Comment ? Tu parles de la dette ou du déficit commercial ? Ouais, enfin du déficit, hein, du déficit de la balance commerciale, pardon, hein, parce que justement, alors, c'est pas la dette encore, hein, mais c'est, pardon. Alors, le déficit commercial maintenant atteint une somme de 100, je crois que c'était 139 milliards, je crois quelque chose comme ça. Au mois d'août, ouais. Voilà. Eh bien, pour donner, c'est vrai que 139 milliards, un cerveau humain ne sait pas ce que ça veut dire. Alors j'ai fait un petit calcul très simple. Imaginez que vous ayez 139 milliards de kilomètres à parcourir. Vous êtes sur une autoroute et vous êtes à 180 km/h. Donc en permanence. Donc vous roulez à 180 km/h. Et ben si vous avez 139 milliards de kilomètres à parcourir, il vous faudra environ 90 000 ans pour le faire. Donc ça vous peut-être, hein, vous voyez ce que ça veut dire, rouler à 180 km/h, et bien voilà, il faudra 90 000 ans pour faire 139 milliards de kilomètres. Donc ça veut dire que ce sont des déficits complètement abyssales, qui fait qu'on ne peut plus rembourser. C'est fini. D'ailleurs, on ne parle en général que de vouloir rembourser les intérêts, mais même à ce niveau-là, c'est plus possible. Donc, il est évident que là, il y a un risque d'hyperinflation qui pointe son nez. Je ne dis pas qu'il est certain, mais le risque est de plus en plus là, notamment, et là j'en viens au deuxième point, avec l'OPEP, la décision de l'OPEP Plus, là, qui diminue les quotas, enfin qui diminue la production de pétrole, là, ça représente quand même 5% de la production mondiale. On peut dire, oh ben 5% c'est pas grand chose, si. Il disait 2 dans l'article, toi tu dis 5. C'est quelques pourcents, pardon. Moi, j'ai vu 5% ailleurs. Je crois qu'on est entre 100 et 105 millions de barils par jour. Donc, 2 millions de barils, voilà. Bon, il disait 2%. Donc, je pense qu'on part sur une base de 100 millions de barils produits par jour. Il coupe de 2 millions. Je pense que le but était d'envoyer. Donc ça fait 2%. Ouais, le but était d'envoyer un signal. Ça fait 2%, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oui, comparativement. Oui. Ça risque justement donc de faire envoler les prix du pétrole, et ce qui va renforcer donc un risque d'hyperinflation comme on a connu, enfin comme ça a été le cas au Zimbabwe. Alors je sais que très bien les gens vont dire oh, le Zimbabwe, c'est un pays d'Afrique. Mais non, ce sont des mécanismes qui peuvent se répéter. Alors encore une fois, pour l'instant le risque est encore faible, mais dans les 2-3 mois à venir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et alors, moi ce qui m'a surtout inquiété Justement, tu en parlais tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait plus de débouchés pour l'économie, que l'économie stagnait, etc. Or, la décision de l'OPEP, de l'OPEP+, elle a été motivée aussi par la chose suivante, ils veulent avoir, et je cite, hein, ils veulent avoir une longueur d'avance sur une éventuelle récession grâce à ces mesures proactives, ce qui leur permettrait d'éviter une éventuelle accumulation de stocks et donc des prix du pétrole bas. C'est sûr. En résumé, l'OPEP+ se dit, oula, le risque de récession économique est très grand, donc pour, comme à ce moment-là, les gens achèteront moins de pétrole, si on en produit trop, les prix vont s'effondrer, donc on prévoit déjà de moins produire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de récession, les prix vont s'envoler, mais il risque d'y avoir une récession économique. Or, je ne pense pas que l'OPEP+, soit peuplé de gens qui font n'importe quoi. Ils ont forcément leurs économistes, ils ont forcément des modèles économiques. Je ne dis pas qu'un modèle fonctionne tout le temps, loin de là. Mais enfin, cette décision de l'OPEP+, laisse présager, bon, ce qui n'est peut-être pas la peine d'être un expert pour le voir, mais laisse présager une récession économique. Hein. On ne parle pas d'une récession de 2%, là, hein, je crois que... Voilà. Si l'OPEP commence à dire, attendez, on fait moins de pétrole, parce que la dernière fois qu'ils avaient coupé, c'était quand il y a eu le début de la Covid, qu'on pense que l'épidémie soit fausse ou vraie, mais ils ont déjà coupé, et c'était quand même important. Donc là, ils recoupent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui risque d'arriver. Ça ne m'étonnerait pas, de toute façon, puisque voilà, l'économie, la tertiarisation, tout ça fait que l'économie, maintenant, est mal en point. Ça fait depuis 2004 en France qu'on importe plus que l'on exporte, etc. Et puis ce qui va renforcer le phénomène, on le voit, c'est qu'il va y avoir une crise énergétique inévitable. Je vous signale qu'en Angleterre, puisque moi j'y suis, on prévoit déjà des coupures comme dans les années 70. C'est-à-dire qu'il y aurait, ce serait annoncé avant, mais il pourrait y avoir des coupures jusqu'à 3 heures dans une journée. Alors dans les années 70, c'était sous l'effet du choc pétrolier ? Voilà, alors dans les années 70, il y a eu une conjonction de facteurs. Hein. Moi je ne suis pas économiste, il y a eu une conjonction de facteurs qui ont fait que... chez les Anglais, bon, maintenant c'est un peu loin, mais on a toujours les photos où les gens le soir, dans les bars, c'était à la bougie. Ces photos ont été ressorties à coups de gros titres, The Dark Age, donc l'âge noir, mais enfin bon, c'est pas un jeu de mots, mais voilà, il y a un risque. Les experts ont pointé un risque, ils disent ce n'est qu'un risque pour l'instant, mais il y a un risque de coupure comme dans les années 70, et ce serait 3 heures. Dans une journée, par exemple. C'est pas rien, 3 heures. Hein. Il faut voir. Bon. Donc, il y a évidemment un risque d'effondrement. Et si l'hyperinflation commence, voilà, je crois que c'était Jean qui disait ça tout à l'heure, ou Hydromel, je sais plus, c'est quand on ne peut plus, contrôler les prix, et puis on est obligé de faire marcher la planche à billets, mais c'est fini. Hein. Je vous signale qu'au Zimbabwe, après, lors de l'hyperinflation, hein, une image, dire ce que c'est, parce qu'on connaît souvent l'Allemagne, mais au Zimbabwe, par exemple, on faisait en fait des tas de billets. Et les gens payaient avec un tas de billets, donc on payait à la masse des billets. Ouais, ok, ça fait un kilo, donc c'est bon. C'était comme ça au Zimbabwe, enfin, je veux dire, et en Allemagne aussi d'ailleurs, parce que c'était des brouettes. Ça peut arriver. Voilà, et alors j'en terminerai, avec l'armageddon nucléaire de Biden. Pour moi, c'est tout à fait, que je vous rappelle que d'après, ce n'est que les médias, hein, il faudrait savoir ce qui se passe vraiment en coulisses, mais nous on ne sait pas, d'après les officiels de la sécurité américaine, il n'y a aucune preuve que Vladimir Poutine aurait des plans imminents pour l'utilisation de l'arme nucléaire. Mais Joe Biden, c'est typique, c'est le discours alarmiste qui consiste à échauffer les masses en pointant un danger. Je vous rappelle, et là je ne reviens pas à ma période de prédilection qui sont les années 40, je vous rappelle pendant la guerre du Golfe, on disait, Saddam Hussein va utiliser ses armes de destruction massive et notamment ses armes chimiques quand on sera à 100 km de Bagdad. Je vous rappelle, pour ceux qui ont connu ça, on montrait des cartes avec des cercles et on disait, voilà, là, les armées sont là, mais attention, dès qu'elles vont être à 100 km, il a commencé ses armes chimiques, bah, destruction massive, patati patata, puis à 100 km, il ne s'est rien passé, puis à 80, puis à 60, puis à 40, puis il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais écrit un article en disant, vous verrez qu'il n'y aura pas d'armes de destruction massive. Et ça, on revient à nouveau avec ce discours alarmiste qui consiste à dire « Nous courons, vous courez un grand danger ». Et je pense que ça, ce genre de discours prépare, c'est comme avec l'Iran, c'est pour la détestation de l'État que l'on veut détruire. On a fait la même chose en 1940 avec Hitler. Hein. Hitler menaçait même les USA. Hein. C'est, je crois que c'est l'épisode 17 de ma série où je montre tout ça, comment aux USA on disait « Attention !» Hitler est là, il est menaçant, il y a la cinquième colonne, etc. On nous fait un coup pareil. Donc voilà ce que j'avais à dire à propos de tous ces petits trucs qui se passent, mais qui sont inquiétants à mon avis. Oui, tout à fait, oui. Qui d'autre là-dessus Nogaret peut-être hein, ou... oui. Oui, rapidement en fait, je dirais pour reprendre par ce qu'a dit Vincent à la fin sur la question du nucléaire, c'est effectivement pour moi aussi une façon d'habituer l'opinion publique à cette question. Alors, soit pour la motiver contre Poutine, certes, ou peut-être créer un faux drapeau avec la centrale de Zaporizhia, qui est clairement dans leur collimateur depuis longtemps, puisqu'ils voudraient que Poutine la lâche. Ce qu'avait dit aussi Jean, qu'au final on accusait Poutine de bombarder la centrale qu'il contrôle, ce qui est tout à fait stupide, mais bon, on n'est pas oui, ça après. Bah là, on est, oui, c'est devenu la règle, parce que Nord Stream, il défait sauter lui-même. Le pont, en fait, là, les Ukrainiens. Non, mais en fait, c'est lui qui a fait sauter son propre pont, là, entre la. Reliant la Crimée au reste de la Russie. Il va probablement oui. Demain faire sauter sa propre centrale nucléaire. Enfin, je veux dire, c'est tout est comme ça, enfin, hein, voilà. Oui, oui, exactement. Et mais sur la question en fait du pétrole, en fait, c'est assez formidable puisque je trouve que les États-Unis se sont eux-mêmes liés les mains et rendus prisonniers de leur système. Je m'explique rapidement. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite et les autres membres de l'OPEP ont très bien compris qu'aujourd'hui c'est le pétrole russe, demain ça peut être leur propre production qui sera touchée, comme vous l'avez très bien dit, pour diverses questions. Il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a un équilibre budgétaire, donc pour avoir un budget positif qui est à $80, je crois, le baril, donc elle a besoin, enfin, plus le baril est haut, mieux se porte son budget, tout comme la Russie. Mais au-delà de ça, en fait, quand les États-Unis ont vu la décision de l'OPEP de diminuer la production pour faire augmenter les prix avec les différentes justifications que vous avez évoquées, ils ont dit oui, bah voilà, on va peut-être remettre en place ce qu'ils appellent le NOPEC. Alors le NOPEC, en fait, c'est quoi? C'est les États-Unis qui se placent encore en arbitre mondiaux, c'est-à-dire que c'est une sorte de loi antitrust contre les pays de l'OPEP, parce qu'ils considéraient que l'OPEP agit comme un trust, c'est-à-dire un monopole en français, et qui dirige les prix. Ce qu'ils font très clairement, mais bon, comme vous l'avez dit, quand vous avez la ressource, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Le problème qu'ils ont, malgré tout, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire ça, puisque le pétrole se vend encore énormément en dollars, ce qu'on appelle tout le temps le pétrodollar. Le dollar est fort grâce au pétrole, ça représente une... J'aurais pas de chiffre à donner, mais la majeure partie de la valeur, et donc ils pourraient pas se permettre d'attaquer le pétrole comme ils veulent, ce en quoi je dis que bah ils sont prisonniers de leur propre système. Donc en fait, pour le coup, c'est assez jouissif de savoir que les États-Unis vont devoir ne rien faire, vont devoir ou ne pouvoir ne rien faire contre les pays de l'OPEP et contre la Russie sur cette question. Alors, le dollar est pas vraiment dépendant des cours du pétrole comme les années 70, ça a quand même beaucoup changé. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais ça reste un moyen de contrôle évident sur la circulation des commandes de pétrole. Je veux dire, il faut voir ça, je pense, davantage plus comme un... Oui, en fait, comme PayPal, c'est quand vous êtes viré de PayPal, en fait, c'est emmerdant. Vous pouvez pas faire votre transaction. Oui. Voilà, c'est exactement. Ça le truc. Et après, vous êtes obligé de passer par d'autres monnaies. Et là, les mecs disent non, mais attendez, vous voulez me payer avec quoi? Avec votre monnaie nationale? Ouais, non, attendez, les gars, votre monnaie, là, moi, j'en veux pas. Je sais pas ce que ça vaut. Si vous faites une dévaluation, je vais perdre 25% sur mon billet, etc. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, les producteurs de pétrole sont pas demandeurs de monnaie nationale en fait à l'origine, parce qu'ils savent que les États font défaut et qu'il faudrait vraiment une monnaie ou quelque chose de remplacement qui soit pas manipulable souverainement par un État. Donc et en fait, comme les gens savent pas ça, mais la grande majorité des dollars émis en billets, 70% circulent en dehors des États-Unis. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Donc, en fait, c'est un énorme atout pour les États-Unis, hein, bien sûr, forcément, hein, d'avoir le dollar comme monnaie de référence. Mais c'est pas que l'économie américaine dépend de ça, si on veut, mais c'est le moyen de transaction. Alors, par contre, avec ce qu'ils ont fait, toutes les sanctions, etc., c'est sûr que ça change considérablement la donne, parce que maintenant, il y a toute une série de gens, d'acteurs économiques, qui ont peur. Parce que ce qu'ils ont fait aux Russes, c'est absolument inédit. On n'a jamais vu ça. Hein, je veux dire. Parce qu'ils n'ont pas simplement attaqué l'État, en fait, en Russie. Ils ont attaqué les Russes. Ils ont confisqué les avoirs des Russes. Simplement parce qu'ils ont la nationalité russe. Et là, ça fait peur à tout le monde. Là, imaginez. Bon, les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas beaucoup d'argent en général. Je veux dire, c'est des gens de la classe moyenne, quoi, ou des gens modestes. Donc évidemment, c'est des questions qui se posent pas à eux, mais imaginez si vous avez des millions d'euros, enfin 10, 20, 30, 40 millions d'euros, c'est votre patrimoine. Vous le mettez en dollars et du jour au lendemain, on peut vous le confisquer. Vous réfléchissez à deux fois, hein. Vous dites, oula, moi je ne vais pas rester là, hein. je vais trouver un autre moyen. Donc vous diversifiez, quoi. Vous allez mettre une partie de votre argent ici, une partie de votre argent là, pour mitiger les risques. C'est pour ça que c'est, en fait, ce qui s'est passé avec la Russie, c'est de la folie furieuse. On n'a jamais vu ça dans l'histoire récente de l'Europe. Et c'est un suicide, en fait, hein, un suicide économique. Ni plus ni moins. Parce que du coup, personne ne veut foutre ses capitaux en Europe. Hein, je veux dire, on explique aux gens, on est des voleurs. Alors quand vous êtes une république bananière d'Afrique, etc., bah oui, tout le monde sait que vous êtes des voleurs, c'est pour ça que personne ne va foutre son pognon là-bas. Mais quand vous êtes des États européens, que tout le monde a appris à respecter, etc., et que vous dites non, mais en fait, on prend le fric, parce qu'on n'a plus de pognon, et en fait, on monte une jolie histoire, et en gros, mais on prend le fric à une puissance nucléaire, ah bah attendez, si on peut détrousser une puissance nucléaire, je veux dire, tous les autres États, beaucoup moins puissants, beaucoup moins influents, ils prennent panique et ils disent non, il faut trouver une autre solution, il faut aller ailleurs, hein, c'est pas possible. Voilà. Ce qui explique pourquoi l'euro perd aussi de sa valeur. C'est-à-dire qu'il y a une perte générale de confiance dans l'euro, dans les places, dans le fait de détenir une partie de son patrimoine en euros. On a peur de se faire confisquer ses avoirs par l'Union européenne, par la Banque centrale, par les imbéciles qui dirigent l'Union européenne. Quoi. Et c'est vrai aussi pour le dollar, moins aujourd'hui, actuellement, mais ça n'a pas échappé aux gens. Moi, je peux rajouter éventuellement quelque chose, c'est que avec ce contexte de manque de gaz et peut-être manque de chauffage, bon, il faut toujours se méfier de ce que l'on souhaite, mais s'il pouvait y avoir un hiver glacial avec des moins 15 et pas de chauffage, peut-être que ça pourrait faire réfléchir les halogènes et les faire se projeter sur un retour sur leur terre originelle. Ça paraît très con, mais je pense que c'est pas con. Vraiment, c'est pas du tout idiot, parce que les gens se disent c'est simpliste comme façon de réfléchir, et pas du tout. Je crois que les gens sont faits pour un certain climat, un certain milieu, un certain biotope, hein, comme on dit, et les Africains sont clairement pas faits pour vivre en Europe, quoi. C'est évident, à tout le moins en Europe du Nord, quoi. Et si vous laissez, s'il n'y avait pas la climatisation, le chauffage, tout ça, s'il devait se taper le climat vraiment, je veux dire, à l'année, sans chauffage, etc., il ne viendrait pas chez nous, hein, il ne voudrait simplement pas vivre là, il voudrait être pas où il y a du soleil. Hein. C'est, ça paraît con comme argument, mais c'est au contraire frappé au coin du bon sens, très réellement. Hein. Oui, oui, donc c'était ça l'idée. Bon, c'est sur un ton humoristique parce que, bon, quand même, je crois que ça va pas suffire pour les faire fuir. Parce que tant qu'il y aura du RSA et des aides multiples, bon. Oui, mais néanmoins, ça leur ferait réfléchir et ça serait peut-être pas mal. Ouais, enfin, tu préfères crever la dalle au soleil que crever la dalle dans le froid, quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà, voilà, exactement, ouais. Et espérons que ça les fasse réfléchir, mais bon. C'est une réalité. Et quelqu'un d'autre ? Bon, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine, alors. On va suivre ces évolutions avec beaucoup d'intérêt, puisque, visiblement, nos gens de l'OTAN, les États-Unis, Raphaël Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, enfin, tous les bienfaiteurs de l'humanité, ont très envie d'une guerre mondiale, donc on va suivre ça de très près. Pas de trop près, quand même, parce qu'on n'aimerait pas se retrouver quand même avec... des éclats radioactifs sur le coin de la figure, mais enfin bon, on ne sait jamais. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.